nada. Como nada. RTP Mundo. Todos em português. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous avec ce beau soleil sur Orléans et j'espère sur la France entière. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu exceptionnelle puisque c'est une grande première dans Didier & Co avec un artiste en live sur quelques morceaux. Au micro sur 96.2 Orléans. Bonjour à tous, donc ça c'est déjà vu, bienvenue dans l'émission Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Aujourd'hui, je reçois au micro une personne que je connais un petit peu, qui n'est pas venue seule d'ailleurs. Je passerai la parole à la personne qui l'a accompagnée. Et voilà, on s'escanne un petit peu au micro. Donc je reçois un artiste bien de chez nous, Madine Région Centre, on va dire. Bonjour à toi, Chris Milan, auteur, compositeur, interprète, et c'est déjà pas mal, non? Et c'est déjà pas mal. Voilà, et ben je sais que tu as fait un petit peu de route, tu étais tout à l'heure, hier tu étais au Printemps de Bourges. Exactement. Et je sais que tu y seras normalement samedi, donc on va commencer fort. Et je voulais te demander, comme je n'ai pas fait de jingle aujourd'hui, pour des raisons pratiques, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de ce temps-là et d'être éventuellement avec ta guitare en composition et d'être accoudé au balcon. Alors accoudé au balcon, tu dis bien parce qu'en fin de compte cette chanson je l'ai écrite et composée justement quand j'étais accoudé au balcon. Tu vois, j'ai vu des oiseaux passer, pas mal d'oiseaux passer et ça m'est venu comme ça. C'est comme ça que je fais mes chansons en général, c'est soit par des émotions que ça me véhicule. On va en discuter, commence pas à tout lâcher, lâche pas les chevaux tout de suite, t'inquiète pas, ça va se faire. Et bien on va s'écouter, alors un premier, Chris Milan. Alors je tiens à dire aux auditeurs que les cinq premiers morceaux, hormis les lives, les cinq morceaux que j'ai là, ce sont des morceaux de son premier EP qui s'est auto... tu as fait un auto, comment dirais-je, j'ai plus le nom. Autoproduction. Voilà, autoproduction, chercher des termes. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais pas là pour des raisons perso. J'ai perdu un petit peu le fil, faut se remettre le pied à l'étrier. Donc tu étais en autoproduction et c'est un son qui est fait avec tes propres moyens. Exactement. Voilà, et tu m'as gentiment offert un CD de 5-6 titres il y a quelque temps. Et c'est bien sûr ces titres qui sont issus de ce CD. Et j'ai eu l'occasion de faire avec toi ce morceau que je vais tout de suite envoyer sur le balcon. Avec plaisir. Au balcon. Je regarde passer les oiseaux familiers autour d'une maison. Voir cette liberté me fait penser parfois qu'on pourrait s'évader comme il déjà. Je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'il y a un coin pour se poser dans un joli endroit quand ils partent si loin. Les ailes déployées, c'est pour aller plus loin, pour ne pas s'arrêter, les regarder partir vers d'autres aventures et les laisser vieillir. Quelle est belle la nature. Il m'arrive parfois imaginez voler et voir ce monde de face. Mmh. et regarder partir vers d'autres aventures et les laisser vieillir. Quelle est belle la nature. Il m'arrive parfois de me mettre à leur place, m'imaginer voler et voir ce monde de face. Alors, très belle chanson, très belle composition qui me touche particulièrement. Merci beaucoup. Faut savoir que je suis un enfant du sud-ouest, de la région de Bordeaux, donc tu as l'estuaire là-bas au bout, du côté du Verdon, en face de Soulac, et j'ai toujours adoré aller voir ces grands oiseaux passer, les oiseaux migrateurs, et cette chanson m'y fait largement penser. Et c'est vrai que c'est un, comme on dit en portugais, c'est la saudade, c'est le coin un petit peu de la solitude, de la nostalgie du pays, de l'air et des bonnes choses qu'on trouve. Donc avant de rentrer dans le sujet, on va aller, c'est vrai que la Sologne ressemble un petit peu à la Gironde sur certains endroits, et je sais que toi tu es, avant de parler vraiment de musique, si je te parle de la région Centre-Val de Loire, quelle est la première image ou la sensation qui te vient là tout de suite, là, claque, à l'instant? Printemps de Bourges. Oui, ça va de soi. T'as pas plus facile, printemps. Non, printemps de Bourges, je dirais, c'est là où justement je me fais un peu plus repérer. On va dire ça comme ça, mais c'est surtout Centre Val de Loire. Je dirais patrimoine. Voilà, un mot qui me vient, c'est patrimoine. Il y a énormément de choses dans le Centre Val de Loire, donc à visiter surtout. Voilà. D'accord. Alors je la présenterai un petit peu plus tard. Allez, je sais qu'elle n'aime pas trop les micros. Voilà, elle me fait signe qu'elle a un petit peu les pépettes. Moi, j'ai l'image en plus d'avoir le son, donc voilà. Mais ça mange pas. T'inquiète pas, les micros, c'est pas méchant. C'est pas comme moi. Voilà. Donc tu es un enfant du coin. Tu es vraiment un enfant du coin. Tu es originaire. Je suis Castelroussin, oui. Castelroussin. Tu es né à Châteauroux. À Châteauroux. D'accord. Donc c'est dans le 36, ça. Tu es pas trop loin. Ok. Est-ce que tu te souviens du moment, parce que là on va taper dans le direct, hein, on va aller directement dans le gras du morceau. Dans le vif. En étant un enfant du coin, ou même pas, mais simplement, est-ce que tu te souviens le moment précis où tu t'es dit, ok, la musique, pour moi, ça devient sérieux. Est-ce que c'est lors d'un concert que tu aurais fait comme ça pour t'amuser, ou un concert auquel tu aurais participé en tant que spectateur, un lieu particulier, est-ce que tu peux me raconter tout ça? T'as 2 heures, hein, donc prends ton temps. Alors je le dis souvent en radio, tu sais, donc je suis né à Châteauroux, et après on est parti, enfin mes parents sont partis sur la région parisienne, et mon père était animateur de spectacle. Voilà, donc c'est ce que je pense, c'est ce qui m'a donné l'envie, parce que quand t'es un enfant, enfin gamin avec mon frère, et puis que tu assistes à de nombreuses représentations, lui en tant qu'animateur, et on voit défiler pas mal de vedettes les unes après les autres. Et c'est surtout que je me suis fait costumer et déguiser par Chantal Goya à l'époque. Donc, du coup, voilà. On a la ressemblance. Mon premier tuteur, ça a été Annie Cordy, donc tu vois. Et ben voilà, ben Annie Cordy, je l'avais rencontré aussi à l'époque par le biais de mon père. Et puis comme il était animateur, si tu veux, un peu phare de ce genre d'événement, c'est ce qui m'a donné un peu l'envie. Puis un jour, je me rappelle qu'il m'a dit, bah écoute, tu prends une guitare, parce qu'il y avait une petite guitare qui traînait dans la maison. Je savais pas du tout en jouer, je savais pas non plus chanter, etc. Mais quand j'ai vu justement l'effervescence qu'il y avait, bah un jour mon père m'a dit, écoute, il m'a vu gratter un petit peu comme ça, et puis c'est là qu'il m'a dit, je vais te mettre sur la scène, entre les passages des costumes, et ce que tu vas faire, je vais te mettre sur une chaise en paille, un chapeau de paille, une moustache, tu sais, les moustaches en plastique, pardon. Oui, quand. Voilà. Collé à l'époque. Avec l'élastique. Et en fond, il y avait Brassens. Juste en fond, sur un tourne-disque à l'époque. T'as vu, il est là aussi, Brassens. Si tu tournes la tête. Eh ben, tu vois, il est pas loin de moi, derrière. Tu vois, c'est peut-être un signe aussi. Et donc, quand t'as à peu près 2000 à 3000 personnes, je sais pas, au bas mot, qui t'applaudissent et puis qui se lèvent d'un seul coup, je pense que c'est. Combien tu me dis? 2000, 3000 personnes. Ah ouais, quand même. Non, c'est et tu avais quel âge? Oh, j'avais 8 ans. Donc si tu veux, ça m'a donné, je pense, l'essence, et je pense que c'est dans les gènes, tout simplement, parce que du côté de ma famille, il y a pas mal de musiciens aussi, donc je pense que ça vient de là. Et bien sûr, après, j'ai fait mes propres expériences, mais on peut en parler. Si tu veux, c'est que j'ai eu la chance par la suite tous les ans d'assister à ces nombreux spectacles. Et puis un jour, j'ai rencontré un autre ami musicien qui m'a appris un petit peu les rouages de la guitare. Il était en autodidacte. Donc effectivement, je lui ai demandé, qu'il montre quelques accords, quelques positions de doigts, etc. Donc il m'a montré un peu tout ça. Et puis après, j'ai pris des cours de guitare pendant 2 ans et demi. Et mon professeur m'a dit, écoute, faut que tu roules parce que maintenant, tu sais, j'ai plus rien à t'apprendre, quoi. Voilà. D'accord. Donc une histoire qui commence bien. Je demanderai pas ton âge aujourd'hui, mais t'as un petit peu de bouteille. Un petit peu, oui. On a plus 20 ans, c'est sûr. on s'en rend compte avec nos artères. Quel est l'environnement qui s'invite le plus dans ta musique? L'environnement, en fait, c'est simple. J'ai plusieurs attaches dans la musique. L'environnement, ça peut être. Déjà, j'ai une formation métal, moi. Ah ouais, t'es un métalleux. À la base, j'étais dans un groupe de métal à l'époque qui s'appelait Beyond the Dust. Comment? Beyond the Dust. Okay. Donc j'étais dans un groupe de métal, plus précisément un groupe de giant metal, comme on dit. Et effectivement, j'étais avec un ami, on composait sur pas mal de musique là-dessus. On se retrouvait souvent tous les deux, il est plus là, mais grande pensée pour lui. Et effectivement, donc j'ai l'essence du métal à la base, et puis après, ça m'a orienté un peu plus vers d'autres groupes, comme du rock, du jazz, du manouche. J'ai été remplaçant aussi d'un guitariste reggae à l'époque. C'était à Savigny-le-Temple, je crois, c'était ça. Donc du coup, on m'avait appelé régulièrement pour remplacer des guitaristes. Donc voilà, je me suis fait avec pas mal de musiciens, ouais. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux accompagner pas mal de gens sans aucune prétention aucune, mais les gens le savent, ça. Les gens qui me voient le savent. Donc voilà, c'est un peu grâce à tout ça, si tu veux, que j'en suis là aujourd'hui. D'accord, donc dans tes tests, dans tes mélodies, c'est plus les paysages, ouais, les gens ou une ambiance globale, ça dépend un petit peu de ça quoi. Dépend un peu de tout, tu sais, moi je marche surtout à l'émotion. Tu sais, on en a parlé déjà, mais j'écris souvent par rapport aux actualités, ce qui se passe, ça peut être justement, je me balade, ça peut être dans un train, ça peut être n'importe où, ça me vient comme ça, certainement que ça me vient du fait que je vais pas mal de monde, alors on peut dire connu, moins connu, peu importe, hein. Moi pour moi il n'y a pas c'est de... pas l'importance, le monde c'est le monde. Voilà, exactement, le monde de la musique est très très très très vaste, et je pense qu'à force d'avoir joué avec beaucoup de gens, je peux m'adapter aussi facilement, on va dire, encore une fois, sans prétention, mais c'est okay. Ça. Ok, ouais. Tu m'as parlé au niveau des gens, des textes, des mélodies. C'est un tout, en fait, qui fait que tu composes. Ça peut être l'élément déclencheur, ce n'est pas spécialement les gens. Ça peut être une chose que tu vois, comme tu me disais, accoudé au balcon, et ça y est, tu vois des oiseaux qui passent. Tu as envie d'écrire sur des oiseaux, sur cette migration, sur cette liberté, parce que c'est avant tout des moments de grande liberté. C'était pas un mirage, c'était pas un avion qui est passé, c'est vraiment des oiseaux. C'est vraiment des oiseaux qui sont passés, et effectivement, je te rejoins là-dessus. Oui, ça me vient n'importe quand. Tu sais, là, il y a dernièrement une personne qui m'a demandé de composer pour elle. C'est ce que je vais commencer à faire d'ailleurs, mais pas avant le mois de septembre, parce que j'ai un album de 10 titres qui est prévu fin d'année, donc je m'accent vraiment là-dessus, sur l'album. Oui, bien sûr, il faut faire un focus sur le travail. Oui, c'est vraiment la priorité pour l'instant. On va parler un petit peu plus, puis la personne qui t'accompagne, ça va être l'occasion. Ne rougis pas comme ça, ne rougis pas. Il y avait une chanson comme ça, ne rougis pas, non, ne il y en a rougis plusieurs. Pas. Donc, t'inquiète, on gère. Donc le fait, oui, après, c'est pas évident de travailler pour les autres, de donner beaucoup pour les autres et de se consacrer du temps à soi-même, à sa passion, à son écriture et au travail que ça... Que ça engendre derrière. Que ça engendre derrière, ouais, ouais, c'est ça, tout simplement, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est comme tu viens de le dire, c'est déjà, quand j'écris une chanson, quand je compose une chanson, ce que je veux avant tout, c'est que ça rentre dans le cœur des gens, dans le cœur et dans la tête des gens. C'est-à-dire que quand je la fais sur scène... Donc déjà, quand tu es sur scène, tu te mets à nu. Hein. C'est vraiment ça. Hein, non, moi, je suis en tenue, moi. C'est une métaphore. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tu essayes de voir un petit peu comment le public va ressentir cette chanson-là. Et en général, ça marche plutôt pas mal. Donc, C'est le principal. Toucher les gens, je pense que quand on est artiste sur scène, c'est primordial. Bon, ça peut être dans le théâtre, mais ça peut être aussi surtout dans la chanson et la chanson, le rap, tout ça. Je pense que la chose principale, c'est de toucher le public. Le public, il faut le toucher par le côté sentiment, certes, par le côté expressif, mais aussi par le côté visuel et la seule grosse manière de les remercier d'être présents et d'avoir fait le déplacement pour nous, pas uniquement que pour boire un verre ou autre, c'est de les remercier à travers notre présence et ce qu'on peut leur transmettre. Donc là, faut arriver à oublier un petit peu tout et donner ces moments bien précis, et c'est là qu'on en ressort un petit peu plus grandi. Exactement. Alors, et puis excuse-moi de te couper. Et puis c'est surtout que, tu sais, moi je me donne toujours à 100% pour les gens, tout le temps. Non, ça, je sais. Je pense que tu l'as vu. Je te connais un petit peu, pas trop, mais bon, un petit peu quand même. Je me donne à 100% pour la bonne et simple raison qu'on se doit de se donner à 100% parce que le public vient te voir. Peu importe le public, ils viennent quand même, ils font quand même le déplacement pour venir te voir. Surtout que je suis un artiste émergent, alors donc forcément, je me donne encore plus pour eux, quoi. Par respect. Bien sûr, oui. Après, quand tu es anobli, quand tu es rentré dans des grandes salles, je ne citerai pas toutes les noms, mais voilà, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, on se le doit. On se le doit. Ouais. Là, tu composes dans la région centre. Bon, on connaît un petit peu la déco de la région centre. Mais si tu te retrouvais à résider en bord de mer ou si tu habitais dans un chalet de montagne, est-ce que tu aurais la même philosophie? Est-ce que tu construirais tes morceaux? Parce que quand on est dans un élément plus qu'un autre, on a tendance à se laisser porter par ces éléments. Ça peut être la mer, l'eau, la montagne, l'air pur, tout ça. Est-ce que tu penses que tu serais dans le même état, esprit et... Alors, dans le même état, dans le même esprit, oui, parce que comme je te dis, derrière mon album s'appelle Authentique, donc tu vois. Oui. Non, je resterai toujours fidèle à ça, mais par contre, je te rejoins là-dessus. Il est vrai que si j'avais un cadre, c'est ça que tu veux dire par cette question-là, si j'avais un cadre, justement, pour soit composer au bord de... différent de là où tu composes. Oui, tout à fait. Et je te rejoins là-dessus, parce qu'effectivement, ça me permettrait peut-être mieux d'approfondir, on va dire ça comme ça. Puisque un cadre où tu sais, où tu es calme, reposé, je pense que oui, je ferais peut-être des choses encore un peu plus poussées, oui. Oui, certainement. Au niveau de la mélodie, au niveau des paroles, les deux. Certainement que les deux, parce que tu sais, si je me mets, par exemple, là, tu parlais du bord de mer, oui, je pourrais composer des chansons par rapport à ça. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que le lieu s'y prête, parce que c'est calme. Ça donnerait un petit peu plus d'intention d'écriture sur ce que tu vois à ce moment-là. Tu verrais aussi des oiseaux passer. Ce ne serait peut-être pas les mêmes. Mais quoique, des fois, tu peux aussi... les oiseaux migrateurs, ils passent un petit peu partout. Là, ils vont pouvoir passer avec les vents et tout ce qui s'ensuit. Y a-t-il des lieux qui sont pour toi plus importants que d'autres? Alors comme j'ai dit, hein, c'est vraiment ce que je dis et c'est sincère ce que je dis, c'est le printemps de Bourges. Le printemps de Bourges, pour moi, c'est là où tout peut se décider, se jouer, je dirais. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes et j'invite tous les artistes, les chanteurs, les chanteuses, peu importe ce que vous faites, à le faire. Parce que à le faire ou à le vivre ou à le faire en tant qu'artiste, parce qu'il faut pouvoir se placer aussi là-bas. Pas donné à tous les guitaristes de la rue à aller faire le printemps de Bourges. Non, c'est sûr, mais je veux dire par là qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les organisateurs, justement, leur montrer le travail que vous faites. Moi, c'est comme ça que je procède, tu vois. Et le fait est de procéder comme ça, sans faire de trop, il ne faut pas en faire des caisses non plus, parce que sinon, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais en tout cas, il faut quand même montrer son univers. Moi, j'estime que quand on est un talent émergent, il ne faut pas se mettre de barrière, il faut y aller. Voilà. Peu importe l'issue, parce que forcément, il y aura toujours des portes qui vont se fermer, c'est obligé. Parce que dans ce milieu-là, c'est très compliqué. Mais en tout cas, il faut continuer. Le message que j'aurais à leur dire, s'ils m'écoutent là, c'est peu importe ce qu'on vous dit, faites ce que vous avez à faire. Voilà. C'est ce que tu as envie de faire comme tu veux le faire. C'est ça. Voilà, donc en fait, l'endroit que tu considères un peu comme ta maison artistique, c'est le printemps de Bourges, mais ça dure combien de temps? Alors tu sais, l'année dernière, j'y étais 5 fois d'affilée, 5 jours d'affilée. Donc ça a été vraiment quelque chose d'énorme pour moi. C'est très éphémère, donc il ne faut pas louper le coche. Il ne faut pas que ce jour-là, tu aies un bras dans le plâtre. Oui, tout à fait. Il ne faut pas louper le coche. Mais pour moi, tu sais, toutes les scènes sont bonnes. Hein. C'est ce que je dis toujours. Hein. Ça va de la petite scène au bar. Peu importe. Du moment que je chante, de toute façon, la scène, c'est ma vie, si tu veux, depuis longtemps. Donc je suis bien que sur scène. Voilà. D'accord. Donc ça peut être un bar. Ah, t'es pas dans, c'est vrai que là, dans le studio, t'es pas bien. Si, mais je suis bien partout. Tu vois, j'ai ma guitare, je suis avec vous, tout se passe bien. On est entre nous, et comme je peux couper l'émission aussi. Hein. Non, pas du tout. Non, mais je suis bien partout. Tu sais, les gens, on se connaît assez bien, mon Didier, d'accord, pour ça, mais ouais. Je suis bien partout. Mon Didier. Mais écoute, en attendant, on va se faire une petite escale musicale, encore une de tes chansons qui m'a touché, et je dirai un petit peu pourquoi après. Donc, je vous laisse écouter, vous reconnaîtrez, sinon on vous sucera à l'oreille de quoi il en revient. Accord perdu. Tu étais une star, tu n'as pas pu profiter de la gloire. La vie est si injuste qu'on se demande parfois pourquoi elle nous fait ça dans ce monde ici-bas. Accord perdu, tu étais pourtant si jeune. Je ne comprends plus tout le sens que l'on donne. Tu méritais pourtant de construire un avenir comme tous les enfants. Tu aurais dû vieillir. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, et aussi pour ceux qui le veulent en streaming sur le site internet d'Arc-en-Ciel. C'est Didier & Co, et j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège d'avoir dans les studios en live Monsieur Chris Milan, qui vient de composer cette chanson, qui vient d'interpréter cette chanson. Et je pense que vous l'avez compris, c'est un hommage au talentueux, regretté Grégory Lemarchal. Grande vedette, qui avait plein d'avenir. Très grande vedette, oui. Peux-tu nous raconter la naissance et la vie de ce titre? Pourquoi? Alors, c'est simple. Prends ton temps. Ouais, en fait, c'est parce que ce grand monsieur, pour moi, donc il a une carrière éphémère, mais je veux dire que, comme beaucoup, je l'ai vu sur la Star Academy. Bien sûr. Une voix incroyable, une voix à la hauteur du grand Daniel Balavoine. Enfin, moi, je pense qu'il était vraiment à son niveau propre. Et c'est surtout que je ne savais pas qu'il était malade comme des millions de gens. Et je savais encore moins ce qu'était la mucoviscidose. La mucoviscidose. Donc cette maladie-là, je ne savais pas du tout ce que c'était, comme des millions de personnes. Et du coup, ça m'a extrêmement touché, extrêmement ému. Et donc, j'ai pris, comme je fais d'habitude, c'est comme je te dis par rapport aux émotions que je véhicule, j'ai pris mon papier, mon bloc, voilà, pour dire les choses, mon bloc, mon stylo. J'ai commencé à écrire ce qui venait en tête. Alors, je voulais vraiment mettre les trois premiers mots, accord perdu. C'était vraiment ça. Et donc, après, j'ai fait la mélodie et voilà, ça donne ça, quoi. Mais j'en profite pour dire que le titre est sorti, le renouveau, on va dire, le remaster est sorti, c'est important de le dire, au studio Lion Records avec Luigi. Donc, je vous invite à réécouter sur les plateformes et sur YouTube. D'accord, donc tu l'as remasterisé, tu l'as revu, corrigé, t'es en train, je pense, d'après ce que tu m'as dit, de tout retravailler, parce que comme je le disais au tout début de l'émission, les titres que vous écoutez actuellement enregistrés sont des enregistrements que tu as autoproduits, tu oui. t'es fait avec ton petit matériel, on ne citera pas de nom, mais non, non. c'est fait chez toi, dans ton studio, dans ta maison, avec tes moyens, tes connaissances, tes compétences, c'est pas toujours facile. Et ça, ça prend du temps. Et ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je tiens à remercier beaucoup Luigi, qui tient le studio à Bourges. Ça s'appelle Studio Lumière Records et il saura vraiment être à la hauteur de vos événements. Je vous invite à aller le voir et à suivre sa page. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup. Ouais, bon, on mettra les coordonnées sur la page. Tu m'enverras ça et on mettra ça sur Didienne Coupe. Je ferai, avec plaisir. Tu sais que je suis un petit peu dans le milieu aussi de la musique, hormis les émissions radio. Donc on diffusera. Puis de temps en temps, voilà, j'ai des connaissances qui cherchent aussi des endroits sympathiques. Donc, comme on dit, why not? Quand une chanson naît chez toi, quand elle prend naissance, ça commence en général comment? Est-ce que tu as deux ou trois sujets différents? C'est, tu me dis là à l'instant avec cette chanson de Grégory, à court perdu, mais une phrase qui arrive comme ça, ou c'est une mélodie qui ne te lâche plus? Alors ça dépend, ça peut être l'un ou l'autre. Comme je te dis, des fois c'est. Ça peut être les paroles qui me viennent comme ça. Je saurais pas t'expliquer comment. C'est comme ça. Je pense que c'est en moi, c'est comme ça. Ou alors, ça peut être... je prends ma guitare et en fait, je repense à tout ça, à son parcours. Alors, j'ai pas la prétention de le connaître, loin de là. Mais en tout cas, vu ce que j'ai vu comme des millions de personnes, ça m'a extrêmement ému, extrêmement touché. Surtout en plus qu'il a gagné cette finale avec cette chanson incroyable, avec une voix incroyable. Et donc, j'ai travaillé... Tu te rappelles du titre ? Et maintenant... Que vais-je faire ? Donc je m'en rappelle. Et du coup, c'est ça ? C'est celle-là qu'il a. Oui, il a gagné celle-là en finale. Bon. Et du coup, on va vérifier. C'est sûr et certain. On va vérifier. C'est celle-là. Et du coup, ça avait tout un sens déjà. Excuse-moi de te couper, mais ça avait tout un sens parce que bon, il y a la chanson, il y a les paroles, mais il y avait surtout son avenir qui savait en fond de lui-même incertain. Et en fait, comme il avait ça. Gagné ça, qu'est-ce qu'il allait faire ? C'est ça en fait, et c'est vrai que, voilà, comme je disais, il m'a beaucoup beaucoup touché par sa voix, par son charisme, par son talent, par sa force. Effectivement, quand j'ai su encore une fois qu'il était malade, et encore une fois, je savais pas du tout ce que c'était cette maladie-là, donc je me suis renseigné un peu plus et je me suis aperçu que l'issue, malheureusement, est souvent fatale. Voilà. Donc là, ça m'a, oui, j'ai dit, faut que je fasse une chanson là-dessus, donc. Et puis c'est surtout pour un artiste, quand on chante, ce n'est pas que que des cordes vocales, c'est tout un travail abdominal, diaphragme, poumon, et quand on a cette maladie-là, c'est pas facile, et il y a des moments, c'est très dur parce qu'on est très fatigué, on est sous un certain régime de médical, et voilà, il faut avoir, les os, la vie bien accrochée pour pouvoir le faire. Et sincèrement, un chapeau bas, monsieur Grégory, pour ce que tu nous as donné à ce moment-là, et paix à ton âme, mais vraiment, avec toujours grand plaisir de le réécouter, et toujours le... J'en ai pas mis aujourd'hui, parce que je voulais pas... je voulais pas partir dans le côté trop émotion, mais il le mérite, bien évidemment, j'en passerai lors de prochaines émissions. Quand tu écris une chanson, quand tu écris une mélodie... Tu notes tout ou tu laisses vivre ? Non, alors, c'est-à-dire que quand j'ai ce qui s'appelle des fois des flashs comme ça, qui me viennent, ça peut être n'importe où, dans la rue, sur un spectacle, n'importe où. Ça m'est même arrivé une fois en sortant d'un restaurant, voilà, mais par contre, oui, je note tout. C'est des flashs que je note, puis après je me remets dessus. Et là, t'as toujours ton calepin avec toi, ou c'est la personne qui t'accompagne qui prend des notes, ou c'est surtout comme on me fait signe les blocs-notes téléphoniques et les enregistrements téléphoniques, parce que maintenant il faut vivre un petit peu avec sa technologie. Ça m'arrive, t'inquiète pas, moi aussi, de temps en temps, voilà, puis on n'a pas le même âge, donc la mémoire elle défaille un petit peu aussi. Je suis pas Alzheimer, mais voilà, donc on se sert aussi de ces outils, oui, tout à fait. C'est très important. Moi, je m'en sers aussi, je te cache pas, de temps en temps, pour mon émission. Je vais pas parler de moi, mais tu sais que de temps en temps, j'aime bien aller me ressourcer, je vais en bord de Loire, et puis toi, tout d'un coup, on sait pas pourquoi, paf. Oui, ça vient comme ça. Voilà, un canard qui fait coin-coin, ça nous sort, et puis voilà, une petite idée qui nous vient, parce qu'on s'oxygène notre cerveau, on s'oxygène les neurones, on ne reste pas focus, et là, ça ouvre des perspectives un petit peu différentes sur le travail, sur soi-même et sur le travail. C'est exactement donc, ça, et puis, mais c'est vrai que elle est là pour beaucoup, parce que quand j'ai une idée comme ça, C'est une dame qui est C'est une dame qui est à côté de moi, oui. Et une fois sur deux, effectivement, je lui dis écoute, enregistre, parce que je crois que je tiens quelque chose, et puis on verra plus tard. Mais oui, j'ai c'est comme ça que je fonctionne. Alors quand je suis à la maison, c'est encore pire, parce que je prends mon bloc et j'écris tout de suite. Voilà. Après, je mets ça dans un tiroir et puis je reviens après un peu plus tard dessus. Mais en tout cas, voilà, j'écris vraiment moi-même mes chansons. C'est important de le dire, ça aussi. Je passe pas par ordinateur ou je ne sais quoi. Voilà, je suis vraiment auteur-compositeur pour le coup. Et après, je prends. Alors, ça peut être ma guitare, ça peut être mon clavier, parce que je suis multi-instrumentiste. Voilà, j'ai fait du piano. C'est-à-dire ? Et ben, à la base, ma formation, c'est pianiste, bassiste, batteur et guitariste. Donc voilà, tu vois, j'ai un peu touché un peu à tout. Sauf que maintenant, je peux plus trop faire tout ça, puisque on va pas trop en parler dans le détail, parce que voilà. Mais oui, t'as eu un petit incident. Enfin, ouais, accident, j'ai eu un accident qui fait que je peux plus faire ce que je faisais comme avant. Mais du coup, je suis content d'être revenu, de refaire ce que je fais, peut-être différemment, c'est sûr, mais de le refaire. Et en tout cas, par rapport à mon accident que j'ai eu, si tu veux, mes deux bras se sont arrêtés pendant bien deux ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il a fallu réapprendre tout ça avec un kiné, etc. Donc moi, on me disait que la musique, c'était fini pour moi, alors que j'ai prouvé que non. De toute façon, à partir du moment où j'ai cette volonté de faire de la musique, eh bien, écoute, c'est comme j'ai dit, peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce qui se passe, je continuerai à faire de la musique. Tu le fais avec le cœur. C'est mon essence. C'est mon essence. Et sur de ça que l'essence, en ce moment, c'est cher. Tu vois, on pourrait faire une chanson là-dessus, voilà, par exemple. C'est, oui, c'est une idée aussi à creuser, mais... Voilà. Donc, tu es plutôt solitaire maintenant, oui, dans ta création, ou tu aimes confronter tes idées avec d'autres personnes? Alors, je suis pas contre, mais tu sais, encore une fois, je pense que c'est un petit peu les personnes que j'ai rencontrées tout le long de mon parcours musical, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai pas de prétention de la musique, et tu le sais très bien, mais j'ai rencontré nombre de gens, même en Bretagne, je me rappelle, il y avait un groupe qui jouait comme ça, et justement, ils jouaient dans la rue, ce groupe-là. Et j'aimais bien ce qu'il faisait, du coup, c'était un peu celtique, tu sais, en Bretagne. Et il y avait une guitare qui était... C'est celtique en Bretagne? Ouais, mais ils faisaient du celtique, en tout cas. Donc, mais en tout cas, je veux dire, par là, à un moment donné, ils ont fait du téléphone, et il y avait une guitare, une Fender, qui était juste posée sur un trépied, puis le gars, il me dit, mais tu joues, toi? Je lui dis non. Puis non, pas du tout. Et puis après, je lui dis dans l'oreille, bah, si tu veux, je peux essayer, quoi. Et on a fait une musique, et puis les gars, le lendemain, ils m'ont dit, bah, faut que tu joues avec nous. Donc c'est un peu comme ça que ça passe, et puis la musique, c'est tellement vaste, il y a tellement... Ce qui est regrettable aujourd'hui, moi, si j'ai un truc à dire aujourd'hui, c'est que il y a de la place pour tout le monde. Alors ce qui est regrettable, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi, quoi, en fait, tu vois. Ah bah, de toute façon, c'est un petit peu partout pareil, hein. Il y a tellement de place pour tout le monde que tout le monde veut sa place. Et ouais, que, mais je veux dire, il faut pas dans ce milieu avoir d'ego, quoi. Ça sert à rien. Ah, ça, c'est la guerre des égos. Les égos et l'égoïsme. Ouais, mais je veux dire par là, si tu me permets, c'est que demain, on ne sait pas si on est là, quoi, en fait. Tu vois. Bah oui, donc. Moi, je vis au jour le jour. Faut là, profiter je du jour sans profiter spécialement des gens et de leur bon cœur, de leur gentillesse. Faut savoir un petit peu mettre de l'eau dans son vin, quoique ça dépend du vin, parce que moi, mettre de l'eau dans mon vin, j'en mets pas trop. Hein. Je sais faire la part des choses quand il faut le faire, mais je sais aussi quand il faut boire un Médoc, par exemple, je vais pas mettre de l'eau dedans ni un bon Bourgogne. Voilà, ça c'est une métaphore aussi par rapport à certaines choses sens de la vie. Comment dirais-je ? Est-ce que quelqu'un t'a déjà touché ? Oui, oui, oui. Pour changer carrément la création de l'un de tes morceaux ? Alors, pas du tout, encore alors, une fois. Alors, oui ou pas du tout ? Alors, non, parce que ça dépend de ta question. Touché, moi, je m'attendais à un chanteur ou quelqu'un comme oui, ça. Oui, j'ai des questions qui sont pièges aussi. Ouais, elles sont pas toujours évidentes, mais je suis là pour y répondre aussi. je vais pas te tendre le tapis rouge, c'est pas mon style et je suis pas là pour ça. Non, du tout. Non, mais touché dans la façon de dire, non, pas du tout. Pas touché. Mais par contre, j'aime beaucoup. Là, je prends l'exemple justement du studio Lunar Records avec Luigi. J'aime beaucoup ses conseils, parce qu'il est très bon conseil. Tu sais, c'est pas parce que t'écris, c'est pas parce que tu composes, que forcément, t'as la science exacte. Je pense pas. Mais en tout cas... Personne n'a la science exacte. Exactement. Mais lui, il est très bon conseil, tu vois, notamment sur les placements de voix, etc. Parce que je me considère pas du tout chanteur. Je suis chanteur parce que une fois, on m'a invité sur une scène parce qu'il y avait un chanteur qui était malade. J'ai chanté et curieusement, ça a plu à tout le monde. Ouais, mais justement, c'est là que le bât blesse. C'est pas parce qu'on a un appareil photo qu'on est photographe. C'est pas parce qu'on a un couteau qu'on est boucher ou cuisinier. Exactement. C'est pas parce qu'on monte sur scène qu'on est chanteur. Le chant ou guitariste, ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se travaille. Voilà, je suis chanteur, oui, ok. Tu sais, donner deux ou trois paroles, un petit peu de rythme. Voilà. Après, il y a tout un tas de trucs derrière, pas d'artifice. Alors, on vient de m'envoyer un message en me disant « Didier, t'es pas poli, t'es pas correct. Je vais couper ton émission tout simplement parce que j'ai une personne qui est en face de moi dans le studio et on parle, on entend parler et on ne l'a pas présenté. » Alors c'était un petit peu voulu parce que je sais que c'est une personne qui est... Ne rougis pas. C'est une personne qui est timide, qui est charmante à bien des points de vue. Et bah, je vais la présenter quand même. Je vais te laisser te présenter. Bonjour Émilie. Bonjour tout le monde, bonjour Didier. Voilà, approche-toi bien du micro, ça ne mord pas le micro. Non, je sais. Voilà, donc on va dire un petit peu plus tard qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là. Tu as différentes casquettes, quoique aujourd'hui la casquette c'est Chris qui la porte. Voilà, donc oui, cher auditeur et chère auditrice, ce n'est pas une imperfection de ma part, c'est volontaire. Je l'attendais un petit peu plus loin et elle va parler un petit peu plus longtemps, un petit peu plus loin. Mais là, elle me fait signe que voilà, faut couper, elle a pas trop envie de parler. Donc la moindre des choses, c'était de dire voilà, c'est là je vais vous la présenter, c'est la compagne de Chris qui est là, qui l'accompagne souvent partout pour bien des raisons, voilà, pour tout le temps d'ailleurs, voilà. Mais on va pas rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc Émilie, bienvenue dans Didier & Co. Merci. Voilà. Pour revenir à nos moutons, à notre composition, entre la version canapé, compo, bien sûr, et la version studio finie, qu'est-ce qui change le plus ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dis-moi tout. Alors, comme je t'ai dit, il te reste 3 minutes. Ouais, exactement. Non, je plaisante. Non, mais comme je t'expliquais là, c'est que quand tu travailles avec des professionnels, tu vois les choses un peu différemment. Parce que toi, tu le fais chez toi, comme tu es sur un canapé ou dans un petit studio, à ton petit niveau, pour des raisons des raisons logiques, en fait. C'est une question financière, tout simplement. Bien sûr. Donc j'aurais plus de moyens, je ferais beaucoup plus de choses, évident. Et quand je suis rentré dans le studio, justement, Lunar Records, j'ai vu les choses différemment. Déjà, je me suis posé, j'ai pris la guitare. J'ai commencé à jouer, tout de suite il m'a dit waouh, il y a un truc. J'ai commencé à chanter, tout ça, machin. Et donc après, par la suite, quand j'ai enregistré, on a fait plusieurs prises. Et franchement, le résultat, il est vraiment là, quoi. Donc c'est ça la différence entre ce que moi je fais et rentrer dans un studio d'enregistrement. Bah oui, parce que quand on est chez soi, quand on enregistre, quand on prépare une émission radio, quand on prépare un chant, quand on prépare un concert, on est chez soi, on est dans un cocon, on est chez nous, on n'a que notre regard, voire le regard du concubin ou la concubine, suivant si on est monsieur ou si on est madame. Et puis voilà, on est dans une stabilité, dans un truc de chez soi, de cocon. Dès qu'on arrive dans un endroit où on n'est pas chez soi, y a déjà quelque chose qui se passe. Et là, d'autant plus qu'on se retrouve dans un lieu qui est techniquement fait pour ce que tu fais, enfin, ce que l'on fait, et qu'en même temps, avec des gens professionnels ou semi-professionnels, mais qui sont professionnels par le fait d'en faire leur métier, il y a un autre regard et la concentration n'est pas la même. Alors tout à l'heure, tu me parlais de Luigi, c'est bien son prénom, c'est Luigi. C'est ça. C'est ça. Oui. Petite question d'ordre pratique et technique, tu parlais de chant, parce que tu sais que moi je suis très oui, porté oui. sur le chant aussi. Est-ce que c'est une personne qui est chanteur lui-même, il est guitariste, il est musicien, ou est-ce que c'est un professionnel du son, de la sonorisation et du son? Alors c'est un professionnel du son, surtout son sonorisation, comme tu viens de le dire, c'est vraiment un professionnel là-dessus. Il est aussi guitariste et chanteur aussi, oui, tout à fait. D'accord, ouais, parce que c'est pas le même placement quand on chante et quand on joue de la guitare et quand on, voilà, il y a plein de choses. On parlera pas de technique. De toute façon, je suis pas non plus un grand technicien du chant, mais j'aime bien aller dans la profondeur de cette technique, de cet instrument qui est la voix. Et il est vrai que des fois, quand on a un regard, alors, c'est un petit peu des fois frappant parce que quand on travaille en studio, comment dirais-je, la personne vous a amené quelque chose auquel on n'avait pas pensé, mais des fois auquel on ne veut pas. Et lui sait que pourtant il faut passer par là. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te laisse parler. Ah oui, bah, je vais pas faire l'émission moi tout seul. Hein. Non. Mais tu sais, moi je suis quelqu'un de très poli. Quand on me parle, j'écoute. Et c'est surtout que il a vraiment un regard professionnel. Il sait ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Puisqu'il connaît ma voix, il connaît mon potentiel, et il m'a même dit, il y a pas mal de choses qui vont ressortir, donc j'en dis pas plus fin d'année, mais en tout cas, je le remercie beaucoup, et il y a des choses qui vont se faire avec lui avec grand plaisir. On va monter les choses ensemble. Voilà. D'accord, donc tu as plein de projets à ce niveau-là, avec cette personne-là. Pas qu'avec lui, je t'avouerai que... Oui, avoue-moi tout. Il y a une chanson que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, qui sera sur l'album pour quelqu'un que j'estime beaucoup. Et puis ça, on aura l'occasion de peut-être en parler lui et moi, on verra bien. Mais en tout cas, je l'ai fait en pensant à lui, en pensant un peu à ce qu'on s'est dit, les messages que l'on s'est échangés et tout ça. C'est une personne que j'apprécie vraiment, hein, pour le coup. Et on verra un petit peu ce qu'il en est. J'aimerais beaucoup aussi participer avec lui à quelque chose de concret. Voilà, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie tout simplement. Donc on verra par la suite. Mais en tout cas, moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis à fond sur mon album. Il sort fin d'année et le reste suivra son cours. Voilà. D'accord. Ok. Donc t'as pas la pression quand même. T'es pas. La pression. La pression. Tu la vois, mais tu l'as pas. Non, parce que tu sais. Jeu de mots. Non, parce que tu sais, encore une fois, les gens, ils le voient, ça. Tu vois, hier, j'ai chanté, ils étaient encore là. Moi c'est ce que je dis toujours, j'ai pas d'ego dans la musique, quel que soit l'artiste, je fais ce que j'ai à faire et encore une fois je le fais comme tu veux, comme je le sens, ouais. Voilà, bien ou mal, c'est peut-être pas trop à toi en juger, c'est plus au public, mais tu dois aussi savoir si tu es là bien interprété ou pas. Oui, tout à fait. Tu le sais aussi. Après, ce que j'ai fait, moi, il y a des choses qui me sortent un petit peu des oreilles et des lectures. C'est de lire sur les réseaux sociaux, par exemple, on a mis le feu, on a tout cassé. Moi, je pense que ça fait un petit peu prétendant, hein, on est les meilleurs. Moi, ouais, je pense ça. Que c'est au public, c'est-à-dire s'ils ont ressenti la flamme, s'ils se sont public, fait casser ça. Par un, voilà. Exactement. Le problème de ces superlatifs, c'est le fait que, parce que les gens, en général, manquent un petit peu d'imagination, de créativité. On a mis le fond, on a tout cassé. Moi, j'en vois partout sur les réseaux sociaux des groupes. On a mis le fond, on a tout cassé. Puis d'abord, s'il vous plaît, s'il y en a qui nous écoutent, arrêtez de mettre le feu et de tout casser parce qu'on n'aura plus d'endroit où jouer. Déjà que ça devient dur. Hein. Mais voilà. Après, oui, quand tu dis bon, j'ai été bon, faire de l'auto-satisfaction, c'est pas bon non plus. Faut savoir faire de l'auto-critique. Et c'est pas assez constructif aussi. Bah, tu sais, moi, je me trouve jamais bon. C'est ce que je dis à chaque fois, et elle est là pour le dire, parce que je pense que voilà, c'est comme ça. Déjà, j'aime pas m'écouter vocalement, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais en tout cas, pourtant, quand t'es chanteur, il faut pas avoir peur de réécouter les bandes son. Non, j'écoute prises, jamais ce que je refais, parce que j'écoute jamais. Ah, c'est un tort. C'est très rare. Je préfère me fier au public. Pour moi, c'est le plus important, c'est les gens. Voilà. Ouais, mais t'as deux choses quand tu travailles. Tu as le public, ce que tu as fait ressentir au public, puis t'as le public qui est là, et t'as des fois les copains qui sont un petit peu hypocrites aussi. Ouais, c'était bon, Chris, ouais, cool. Ah, celui-là. Pff. On dira rien, je vais pas me faire des mais ennemis. Non, mais le fait de s'écouter soi-même, c'est aussi le fait de travailler et de savoir se faire son autocritique et de dire, ah bah tiens, ça je peux l'améliorer. Si oui, tu oui, t'écoutes non, mais bien pas, sûr. Tu peux pas t'améliorer. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais elle est là pour le dire, je sais pas si elle va en parler, mais on écoute hein, ce que l'on fait, hein, évidemment. Encore une fois, quand tu m'envoies les sons, j'écoute. Et puis, mais de toute façon, moi je prévaut toujours, c'est le live. Oui, bien sûr. C'est le live, bien parce sûr. Que c'est un petit c'est peu là. Notre vie. C'est pour ça qu'on fait ce côté scène. Hein, C'est ça. Et puis, je triche pas encore une fois avec les gens. Tu vois bien, les gens viennent me voir parce qu'ils viennent me voir parce que certainement qu'il y a quelque chose. Et puis, et par contre, ce que je mets un point d'honneur à chaque fois, c'est que je veux le partage avec les gens. C'est ça surtout, parce que c'est le public qui fait l'artiste et non pas l'inverse. D'accord. Mais justement, en parlant de gens, qu'est-ce que tu penses des gens dans la rue? Je vois marcher les gens dans la rue, ça me rappelle comme l'on s'est connu, de les voir sourire et aussi heureux, de voir l'étincelle au fond de leurs yeux. C'est beau de voir au jour des cœurs. Je les vois aimer comme des enfants. Ça me rappelle alors le bon vieux temps. Toutes les soirées dîner étaient dansant. Toutes les choses qu'on oublie avec le temps. C'est beau. Le temps passe, on est en bonne compagnie, on est en compagnie de Chris Milan et de Madame Emily. Il est 14h48, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Je regarde le ciel, il est bleu, il est parfait, il fait chaud, il fait bon. C'est le printemps, pas de Bourges, mais le printemps tout court. Et nous sommes sur Didi & Co 96.2 Radio Arc-en-Ciel. Donc on est toujours en compagnie de monsieur, je le dis bien, monsieur Chris Milan. Dis-moi l'ami, quand tu montes sur scène, es-tu le même ou deviens-tu quelqu'un d'autre? Alors pas du tout, je reste le même. Tu restes le même? Quel que soit l'endroit, je suis toujours le même. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de te voir à différentes reprises, on va un petit peu se remémorer tout ça, et c'est vrai que j'ai pas vu grande différence. Si après non. tu rentres dans ta coquille quand même, tu rentres dans ton truc. Disons que je me dois d'être encore une fois, de me donner un fond pour le public qui vient de me voir. Donc c'est là effectivement où je rentre. À partir du moment où je suis sur scène, je change pas du tout. C'est que je me donne à fond. Je sais déjà ce que je vais leur donner. Alors notre rencontre avec Chris Milan, elle a un petit vécu. Il y a quelques années de ça, j'avais organisé dans un lieu qui n'existe plus une scène ouverte avec ma casquette d'organisateur. Et tu étais venu. Exactement. Tu étais venu, je ne te connaissais pas, on avait juste échangé par téléphone pour ce micro ouvert de 20 minutes à peu près. Hein. Oui. C'est ce que je fais, c'est les open mic, je laisse à peu près dans mes scènes ouvertes 20 minutes aux artistes émergents, nouveaux artistes, pros ou pas, de venir se tester, voir un petit peu, se faire la main, il y a quelques années de ça, et c'est vrai que... moi je te cache pas que quand je t'ai vu la première fois et quand t'as entendu, je dis ouais, le gars il se la pète un petit peu. Ça c'est voilà, quand on connaît pas, mais ça. Je vais le dire un peu plus fort, il se la pète un petit peu. Mais c'est vrai que vite on s'est rendu compte que tu avais quand même derrière du professionnalisme. Il y avait pas grand monde dans cette salle, je parlerai pas d'acoustique ni rien, mais c'est vrai que ça a tout de suite mis le feu dans là. Ouais, tu as mis le feu, hein, tu as dit on va le faire, et tu l'as fait, et c'est ce qui m'a plu chez toi, c'est-à-dire que bon, non seulement tu prétendais mais tu as affirmé, tu l'as fait. Donc moi c'est ce que je sais apprécier chez les gens, c'est pas uniquement de dire je vais le faire, t'inquiète, c'est le faire, l'affirmer et tenir. Voilà, ça c'est notre première rencontre, et puis tout après on s'est rencontrés sur d'autres lieux où j'organisais, où je t'ai fait venir en tant qu'artiste découverte, et j'ai vu que par rapport au public que nous avions dans ces lieux-là, ben voilà, tu avais conquis certains publics qui ne savaient même pas que tu existais, qui ne connaissaient pas, et que voilà, comment as-tu vécu ces moments-là et comment as-tu vécu notre première rencontre ? Eh ben, notre première rencontre, j'en garde un souvenir vraiment, vraiment sympathique, parce que je me rappelle, t'es venu sur scène avec moi. Oui, il me semble, ouais. Sur Accoudé au balcon, sur ma chanson, t'es venu et t'étais l'harmonica. Ouais. J'ai trouvé ce moment incroyable, parce que j'adore les moments de partage comme ça. Pour moi, le partage, que ça soit avec le public ou les musiciens, même les chanteurs-chanteuses, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'adore ça. Ouais, j'adore ces moments-là. Tu m'avais embarqué avec ce titre-là. parce que, je vais te dire, j'étais pas tellement dans l'écoute des paroles. Je jetais un petit peu partout. J'étais dans le côté presta et ça m'a emmené. Donc, si tu m'as amené en moi, t'as amené d'autres personnes, bien évidemment. Et comme j'avais envie de partager cet instant avec toi, je me suis proposé de venir. D'abord, je te l'ai demandé au coin de l'oreille. Ouais. Je t'ai fait voir et tu m'as dit OK, tu m'as donné la note et on est parti. Et ça a duré un petit peu plus longtemps d'ailleurs. Après, Public était vraiment là. Ouais, donc, là, on a vraiment conquis le public, était présent. Ouais. Et les autres artistes qui ont voulu aussi après participer, chacun à leur niveau. C'est sympa. Et après, c'était super parce que, encore une fois, on a vécu ce moment-là ensemble alors qu'on se connaissait pas du tout. Et en plus, par la suite, tu as bien vu, il y a le jam avec tous les musiciens. Et ça, c'était aussi un moment qui était sympa. Ouais, aussi. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ça jouait et sur scène et à côté de la scène. Voilà. Et ça, c'est des moments de partage qu'on n'oublie pas. Non, qui resteront gravés. Voilà, qui à des niveaux, on va dire, amateurs, semi-professionnels. Il n'y a pas de niveau. Tu sais, il n'y a pas de niveau. Non, dans la musique, il n'y a pas de niveau. Je veux dire, dans le fait où on était, quoi. Il n'y avait pas de... Ah oui. Il y avait un ou deux professionnels qui étaient là, dont toi, tu en pro aussi. C'est vrai que quand on connaît pas la personne et qu'on la voit faire, on se dit ouais, c'est qui, il se prend pour qui. Voilà, après du moment que bravo, chapeau bas et voilà. Donc tu te sens plus libre sur scène, comme tu l'as dit, que dans la vie de tous les jours. Ah oui, moi si on me donne le choix demain, je suis que sur scène. En fait, la scène c'est ma maison. Tu aimerais mourir sur scène? J'aimerais mourir sur scène, oui. Tu t'appelles pas Dalida pourtant. Non, et puis je pense pas que j'aurai c'est une carrière pas, comme Dalida. Plus tard possible. Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire par là que la scène. Puis madame, elle est pas contente. Elle est pas d'accord. J'ai rien dit. Encore non, une mais fois. J'ai vu ta tête et ton regard. Mais encore une fois, tu sais, la musique, ça véhicule beaucoup de choses. Je pense qu'il y a du talent partout. Je pense que malheureusement aussi aujourd'hui, il n'y a plus assez de place parce que beaucoup ont de l'ego. Encore une fois, je vais dire ce que je pense réellement parce que tu sais, je suis comme ça, je suis quelqu'un de vrai. De toute façon, si tu dis les choses mal, je coupe. Hein, je te ouais, coupe voilà, non, mais t'inquiète pas, les gens me connaissent là-dessus. Et c'est vrai que je trouve dommageable qu'aujourd'hui qu'il y a tant d'ego que ça, quoi. Parce qu'encore une fois, demain, on ne sait pas où on est. Donc, faisons de la musique et essayons de nous rassembler. C'est vrai, oui, alors d'expérience ou simplement de vue, c'est malheureusement tous les gens sont comme ça, il n'y a pas que les artistes, et tu le vois malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est oui, beaucoup. Le réseau social, c'est très bien pour le côté communication, community, mais ça a du bien, mais ça a énormément de mal, et les gens ne savent plus faire la part des choses, comme les gamins maintenant dans la rue ne font plus la part des choses entre le virtuel, les jeux et la vie en vrai. On voit tellement de choses atroces, horribles, que puis le profit, et tout le monde devient I am the best in the world, et avant de dire je suis la plus grosse bête du monde, je suis le meilleur du monde, il faut savoir se retrouver face à face quand on se rase, ou pour ceux qui se rasent, mais quand on est devant sa glace, et de dire je suis ce que je suis, et c'est vrai que les réseaux sociaux font beaucoup de mal à ce niveau-là. Tu en penses quoi d'ailleurs, Émilie? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Les réseaux sociaux sont bien, comme pour moi, hein, tout ce qui est community manager. Oui, parce que ça y est, elle l'a dit, c'est son community manager. Ça y est, ils sont au courant. Approche-toi un peu plus du micro, s'il te plaît. Là, c'est mieux. Ouais. Oui, les réseaux sociaux sont très bien pour tout ce qui est... communiquer. Communiquer et distribuer aussi. Mais c'est tellement facile de dénigrer derrière un écran. Un écran. Mais face à face, y a personne, quoi. Voilà, mais c'est ça, c'est le côté, et tout le monde devient star parce qu'on est derrière. Alors, on va pas parler des Instagram, des Snapchat, surtout Insta et tout ça, les starlettes, youpi tralala. Alors, on va pas rentrer dans le côté de l'IA et tout ce qui s'ensuit, parce que là, on est dans un débat qui est trop long. Mais c'est vrai que le côté réseau social, mais on va en parler tout à l'heure, parce que je t'ai préparé quelques petites questions spécifiques à ce que tu fais derrière, et on a le temps, il est 14h56, ça fait une heure qu'on est ensemble, même s'il faut dépasser un petit peu, ce n'est pas grave, puisque j'ai une heure après de musique, où là je vais faire découvrir d'autres artistes de la région centre, puisque c'est l'émission un petit peu spéciale à la région centre, et on est toujours d'ailleurs sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Didier & Co, et donc en présence d'Emilie, community manager, et Chris Milan, son mec à elle. Son mec à elle. Son mec à elle. Voilà, donc tu n'es pas venu faire que de la... Comment dirais-je ? La promotion ? Non, fleuriture. Tu es aussi là pour qu'on écoute un petit peu ta voix en live. En live, oui. Donc moi, ça va être mon premier live à direct. Je sais que derrière, il y a des grandes oreilles, il y en a qui écoutent. Donc je vais être jugé sur le gras. Mais bon, voilà, ça fait partie du business et de ce que j'aime faire. Donc puis ça sera comme ça sera. Voilà, sinon si ça convient pas, venez déjà l'écouter en concert. Comme ça, vous aurez un autre aperçu qu'un piètre animateur radio qui sait pas trop se servir de sa console. Mais avant toute chose, quel est le retour le plus marquant qu'on ait pu te faire? Un moment qui t'a vraiment touché, un moment gratifiant et un moment frustrant. Est-ce que tu en as? Alors, j'ai un moment gratifiant, oui, parce qu'on me compare souvent à un chanteur, enfin le plus grand chanteur. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le moment le plus gratifiant pour moi. Après, le moment frustrant, non, j'en ai pas. J'ai pas de moment frustrant, très honnêtement. Après, non, j'ai pas de moment frustrant. T'as pas de gens qui t'ont frustré par rapport à, justement, on en parlait, à un réseau social, par rapport à, où tu t'es dit, ah, quand même, il va un petit peu loin, ouais, il a raison, c'est vrai, j'aurais dû, Alors, non, c'est pas par rapport, je sais pas si on peut qualifier ça de réseau social, c'est peut-être par rapport, proche de moi, oui. Ça, c'est possible, par contre. C'est possible, parce qu'il y a des fois, je dis des choses et tu sais, des fois, ça dépasse un petit peu, donc voilà. Mais moi, j'admets toujours aussi mes torts, parce que je suis pas non plus, comme on dit, tout beau, tout rose aussi. Hein. Je pense que personne l'est, hein. Ou alors jette-moi la pierre. Oui, mais bien sûr, on peut avoir des fois des paroles qui dépassent un petit peu la pensée ou un geste, parce qu'on est un petit peu monté en pression, on a une retombée d'adrénaline. Ça, je pense qu'il faut être du milieu pour le connaître. On a fait un show, on a fait quelque chose, on a pris beaucoup sur soi, on est un petit peu déçu par des réponses telles qu'elles soient, venant de certaines personnes avec qui on a de l'estime. Et là, ça craque un petit peu. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que ça craque un peu, comme tu dis, mais après, je pense qu'on est suffisamment adulte pour se dire les choses. Maintenant, je reconnais que depuis un... si tu veux, moi, j'écoute beaucoup les gens, et puis une fois, on m'a dit, t'es trop gentil, en fait, avec les gens. Et je suis comme ça. Non, mais je suis pas tout seul, alors. On me changera pas, c'est ma nature, je veux dire, je suis comme ça. On me prend avec ou on me laisse, peu importe, mais je resterai comme ça, je vais pas changer du jour au lendemain, je vois pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est vrai que des fois, il y a des gens pas très, très, très, très sympathiques qui se greffent un peu dans le... dans tout ça et on s'y perd un petit peu, quoi. On s'y perd un petit peu. Ah ben non, ça c'est pas Chris, hein, c'est simplement mon ordinateur qui m'a fait des misères parce que j'ai appuyé sur la souris et il fallait bien qu'il y ait un petit couac aujourd'hui. Oh, c'est rien, c'est que deux notes de musique. Hein. C'est pas grave. Voilà, puis c'est simplement pour vous réveiller, pour vous dire qu'on est toujours à 14h59 avec Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel 96.2 et il fait bon dans les studios avec Chris et Madame Émilie, son community manager. Alors avant de te préparer, je vais juste te lancer un petit titre qui va te permettre comme ça, puisque tu seras un petit peu en off, de préparer, d'accorder ton instrument et tu vas nous faire un live sur un morceau que j'avais prévu de mettre en enregistré, mais je vais te le laisser faire en live parce que j'ai envie de l'écouter. J'ai envie de l'écouter en live. Tu l'as fait à Arc-en-Ciel à la Foire Expo. Tu t'es présenté. C'était pas prévu qu'on se voit. Tu es venu. Tu as vu. Tu as vaincu. Comme dirait Veni Vidi Vici. Tu es venu avec ta guitare et ton épouse, faut que ta copine. Non, pas mariée. Si. Ah, ah si. Ah ouais. Ouais. D'accord. Aïe. Fit-elle avec son visage. Et si. voilà, tenant son alliance pour le meilleur et pour le rire. Et donc, tu es venu, tu l'as fait, et c'est vrai que c'était pas évident parce que bon, les conditions n'étaient pas idéalement là, mais tu l'as fait, et moi je t'ai fait la sono en même temps, je me rappellerai, avec deux micros, un pour le chant et un pour la guitare. Exactement. Là, les micros sont un petit peu plus faciles. Oui. C'est du live, j'ai absolument rien réglé, je vais pas trop toucher, je vais juste voir comment ça passe et je réécouterai après s'il faut affiner lors d'un prochain pour un autre artiste qui viendra. Okay. Donc, je sais que tu as des prépondérances pour une certaine voix, pour une certaine personne. Je te passerai le bébé tout à l'heure. Mais là, je crois que tu lui dis simplement merci. Les chansons qui ont suivi. Merci Johnny. Merci Johnny. D'avoir partagé ta passion ainsi que ta vie. Merci Johnny. Merci Johnny. Et dans le cœur des Français, c'est toi, c'est garanti. La première fois que je t'ai vu chanter, c'était sur TF1. J'étais comme captivé devant, la famille n'était pas loin. De voir autant de génie, c'est là que j'ai vite compris. Merci Johnny. Merci Johnny. D'avoir partagé ta passion ainsi que ta vie. Merci Johnny. Merci Johnny. Et dans le cœur des Français, tu restes à l'infini. Merci Johnny. C'était bien sûr un hommage à monsieur Jean-Philippe Le grand Johnny Hallyday, oui. Voilà, Jean-Philippe Smet. Donc voilà, bah, je t'ai laissé te préparer un petit peu. Donc là, tu vas nous interpréter un de tes derniers morceaux. Et puis on expliquera un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est le premier live. Je voudrais juste écouter un petit peu le son de ta guitare, voir si ça va. Ça va, peut-être vas-y, continue à jouer, s'il te plaît. Le niveau de la voix, juste un petit peu. Ils étaient beaux. C'est bon. Voilà. Ok. Et ben voilà, je crois que le morceau s'intitule... Ils étaient. Ils étaient. Allez, à toi le micro. Ils étaient beaux, ils étaient là, le cœur en joie, une fête, et voilà. Ils étaient jeunes, ils avaient tout, la vie à faire, qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils aimaient rire et s'amuser. Leur avenir et leur destin brisé. Ils étaient jeunes, ils avaient tout. Je ne comprends pas ce dernier rang. Ils étaient beaux, ils étaient là, le cœur en joie, une fête, et voilà. Ils étaient jeunes, ils étaient nous, ce drame fait qu'on les oubliera pas. Qu'on les oubliera pas. ben voilà, un sacré rendez-vous live pour une première. Je pense qu'on devait juste écouter les paroles et leur dire à tous ce que l'on pense. Exactement. Alors cette chanson, voilà. Justement, c'est en hommage aux victimes de Grand Montana. Eh bien oui, on l'a bien reconnu. Voilà, la tragédie. Raconte-moi, je veux tout savoir sur ce morceau-là. Eh bien en fait, j'étais de spectacle le 31 et on m'a envoyé beaucoup de messages après en disant, déjà je remercie les copains pour ça, en me disant « Coucou Chris, est-ce que tu vas bien ?» parce qu'il y a un drame qui est en train de se dérouler, on ne sait pas si tu es au courant. Alors j'ai répondu que bah non, j'avais même pas allumé la télé. Et on m'a dit « bah écoute, va voir sur BFM, etc. » Et donc j'y suis allé. Et enfin à la télé quoi, j'y suis allé et quand j'ai vu ça, ça m'a choqué parce que c'est des jeunes, enfin je veux dire c'est une soirée festive, c'est un nouvel an, on doit faire la fête, on doit se retrouver entre copains, entre familles, etc. Donc je trouve ça anormal que des gens jouent avec la sécurité des gens, ça je le dis clairement, pour moi c'est juste inadmissible ce qui s'est passé. Et voilà, donc là tout de suite j'ai dit non, c'est pas possible, ça m'a fait un choc émotionnel très très très très important. D'ailleurs j'en ai pas dormi de la nuit du tout. Et j'ai dit justement à mon petit community manager juste à côté de moi, faut que je fasse une chanson là-dessus quoi. J'ai besoin de sortir quelque chose là-dessus. T'as le besoin de sortir en fait, c'est ça, parce que moi je me pose la question, alors pas uniquement que pour toi, mais pour beaucoup d'artistes que j'écoute. Bien souvent, on a l'impression que les gens surfent un petit peu pour, tu vois ce que je veux te dire. Oui, je comprends. Sur les, enfin. Profite entre parenthèses des aléas de la vie pour construire et pour se faire pour se faire une idée, pour se faire une image, pour se faire de l'argent aussi. Mais c'est pas du tout le but de rechercher. Voilà, il y en a d'autres aussi qui ont besoin pour extérioriser leur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ouais. D'écrire. Ouais, mais voilà, c'est ce que je ressens un petit peu. Je trouve que, bon, toi, tu composes, tu fais tes propres textes, mais je parle aussi des artistes, des fois, qui sont un petit peu plus connus, ouais. Qui sont en baisse de régime ou qui n'ont plus du tout de régime du tout, ouais, et qui ont besoin de se recaler en allant reprendre des morceaux de... C'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de réécouter des titres d'autres chanteurs, chanteuses, voilà, de reprendre du Brassens, de reprendre... Mais c'est, quelque part, c'est tellement facile. C'est ça, de se faire l'argent sur quelque chose qui a déjà fonctionné. Après, dans ta partie à toi, comme je dirais aussi d'une personne que je connais bien, que tu as vu hier et que j'estime beaucoup et que j'ai pas pu me rendre à la sortie de son album. Je parlais d'Alex Le Bail, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs au passage. Il doit être du côté de Bourges où il en est pas loin. Parce que je pense qu'il passait hier soir. Il est passé hier, voilà. Oui, effectivement. Et donc, tous ces gens-là, vous êtes des grands sentimentaux, vous êtes des grands entiers, et vous avez besoin de ça, c'est ce que je disais aussi à Alex. Comme un autre qui c'est pas Alex, c'est Axel de la Paix, que tu ne connais pas, qui est un rappeur français, qui est du 93 et qui a beaucoup aussi de feeling, beaucoup de sentiments comme ça, et qui surfe. Moi, je ne peux que... Alors, d'un côté... je le dis sincèrement, je suis quelqu'un tout de sincère. Ça me, de temps en temps, je dis, ça me fait tiquer. Oui. Et puis après quand réflexion quand je fais mûrir le truc et tout ça, tu dis ouais, il y a quand même et puis bah de toute façon ça s'est toujours fait dans la chanson, dans la musique, d'écrire sur alors il y a eu des chanteurs engagés bien sûr, sur la politique, là c'est sur le truc, on peut pas chanter que de l'eau de rose non plus et du voilà, quand on connaît les Stones qui ont chanté I Can't Get No Satisfaction, quand on connaît les paroles, comment ça a été écrit, voilà, en 65 ils ont crié leur mécontentement par rapport à cette démultiplication de l'arrosage publicitaire, et voilà, donc voilà, ça c'est bien. Mais pour revenir plus précisément à ce morceau, je t'ai beaucoup regardé, je regardais tes yeux, je regardais ce qu'on se voit à travers une glace, et c'est vrai que tu es dans ton chanson, et je me suis dit, des fois ça doit pas être évident non plus de... En fait, ça me véhicule des émotions, comme j'ai parlé tout à l'heure précédemment, et je revis tout ça, si tu veux. Tu vois, les images que j'ai vues m'ont extrêmement choqué, comme des millions de personnes, hein, tu me diras, c'est sûr, mais... Et je le dis pas, mais tout est dans un coin de ma tête. Ça, c'est comme un disque dur, si tu veux. Et quand je chante vraiment, quoi. Quand je chante, j'y vais avec mes tripes et puis mon cœur. Et c'est surtout que quand je chante, eh ben, j'ai toutes les images qui me reviennent, si tu veux. Je sais pourquoi je l'ai composée, je sais pourquoi je l'ai écrite. Et puis, j'espère que ça touche les gens. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je veux. Après, c'est pas une question de buzz, c'est pas une question de je sais pas, de comment on pourrait dire, de chercher forcément à... Ah, tu vois ce que je veux te dire. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais moi, ce que tu veux me dire à moi, je le sais. Ce qu'il faut le dire, c'est aux auditeurs, aux auditrices. Bah, aux auditeurs, auditrices, je leur dis simplement, voilà, c'est vraiment des chansons que j'écris avec le cœur, avec les tripes. Et quand je les chante, c'est pareil. Venez me voir quand je suis en représentation ou en concert. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je cherche pas du tout le buzz ou même si tu veux me faire connaître, c'est même pas l'objectif que je me fixe. Moi, c'est vraiment, j'aime écrire des chansons, j'aime les chanter. Et puis il faut laisser faire les choses. Et il faut laisser faire les choses, et puis on verra bien. Comme je dis toujours, je verrai où le vent me porte. Voilà. Voilà. Comme disait Renaud, dès que le vent soufflera, je repartira. Eh ben, c'est exactement ça. T'inquiète pas, c'est bientôt ton tour, Émilie. Quel est le premier choc musical de ta vie ? Un artiste, un album, un souvenir précis ? Un souvenir, un artiste, oui, oui, Monsieur Johnny Hallyday. Ah, d'accord. Monsieur Johnny Hallyday, parce qu'en fait, ma mère, elle était en train de faire le, j'ai de faire rire, elle était en train de faire le ménage, mais ça m'a resté gravé dans la tête aussi. Et à l'époque, il y avait, tu sais, les 45 tours, enfin bref. Et il y avait le premier disque qu'elle a mis, c'est marrant, c'est Johnny Hallyday. Il était habillé en militaire, je me rappelle, j'ai pris tout de suite la pochette. Oui, pendant son service, ouais, je me rappelle de cette pochette. Exactement, tu sais, avec la guitare, en bandoulière, je m'en souviens. Et la chanson, c'était Les Portes du Pénitencier. Et comme j'écoutais ça après, ma mère écoutait beaucoup d'artistes comme ça. Et quand j'ai écouté ça, je ne sais pas ce que ça m'a fait comme un électrochoc. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup cet artiste-là, oui, ça c'est sûr. Bien sûr, ok. Et puis bon, il avait quand même un timbre de voix bien particulier, bien à lui. Et voilà. Que penses-tu des scènes ouvertes pour découvrir des talents ? Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est vraiment essentiel. Parce qu'encore, comme je le dis, il y a des talents de partout. Après, pour moi, personnellement, je le dis sincèrement, il n'y a pas de niveau dans la musique. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de niveau. On est tous à la même échelle. C'est simplement qu'il faut oser y aller. Parce que monter sur scène, c'est se mettre à nu devant des gens. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, on a une part de stress qui arrive, mais c'est normal. C'est l'euphorie. C'est le moment. Et en fin de compte, c'est exactement ça. Je dirais qu'il faut. C'est essentiel, justement, à la culture. Parce qu'on a vraiment des belles surprises. Souvent, c'est même le cas. Et on ne sait jamais, ça je le dis vraiment aux auditeurs, auditrices et même les artistes qui écoutent, on ne sait jamais qui va se trouver à ce moment précis là, dans la salle. Dans la salle. Ça se trouve, la personne va venir vous voir en disant « Attends, il y a quelque chose là, viens avec moi ». Après, c'est oui ou c'est non, si moi, tu veux. Moi, je le dis ouvertement, c'est dommage que j'ai pas plus de financement et d'argent que ça, parce que j'ai eu l'occasion de, et j'aurai encore l'occasion de le faire, de découvrir quelques artistes, hommes ou femmes. Bien sûr. Fois, ils auraient vraiment besoin d'un grand coup de pouce. C'est ça. Mais voilà, pas parce que j'ai des connaissances ou compétences, mais déjà, c'est ce qu'ils retransmettent. Parce que s'ils me le transmettent à moi, ils le transmettent bien à d'autres personnes. Exactement, c'est donc, ça. Donc, la scène ouverte, pour toi, c'est important. Et d'ailleurs, je dois remercier un des... Alors, je les connais pas précisément, mais je pense que tu es sur, tu es dans le 41 ou dans le 18. Je suis dans le 18. Voilà. Et tu vas souvent du côté de Vierzon, et j'ai des collègues qui animent un petit peu. Je voulais faire un petit coucou au Lotus. Hein. Voilà, je sais qu'ils font aussi. Alors, il y en a plein sur Orléans aussi, des scènes ouvertes. Hein. Mais voilà, j'aurais fait simplement un petit clin d'œil parce que je sais que tu y travailles, et notamment de temps en temps avec Madame, et je voulais les saluer pour te laisser le fait de pouvoir t'exprimer en tant qu'artiste et en tant qu'organisateur. Donc le Lotus, c'est le Lotus tout court, hein, c'est ça? Alors je ne suis pas organisateur, attention, hein, c'est elles les organisatrices. D'accord. Moi je suis animateur. D'accord, aussi. D'accord, tu animes un petit peu et tu fais un petit peu de DJ, tu t'essayes de te... C'est ça, en fait tu sais la musique ça ouvre pas mal de portes, je donne aussi des cours de guitare. Enfin, ouais, dans les portes du pénitencier aussi. Dans les portes du pénitencier, tu vois ça rejoint un petit peu, c'est marrant, mais ça rejoint un petit peu ça. Mais en tout cas oui, non, j'anime justement Lotus. Et je vous invite toutes et tous, vous êtes toutes et tous les bienvenus là-bas, oui. D'accord. C'est un lieu qui est vraiment bienveillant, voilà. Bien familial. C'est sur la route de Tours ou quelque chose comme ça. Il y en a plein d'autres, mais il faut les faire connaître. Je pense que nous, les artistes pros ou les artistes, nous, amateurs, je pense que des fois, il faut aller aussi les aider. Parce que des fois, avoir des pros dans la salle, alors des pros, tout est relatif, hein. Oui, c'est les ça. Pros moi, régionaux, je me considère les pas pros là-dedans, qui se disent ouais. Pros, qui sont pas pros. Mais ceux qui ont un petit peu de bouteille, c'est bien d'aller soutenir ces émergences de chanteurs, chanteuses, solo, duo, trio, groupe, pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir leur dire juste après. C'est un petit peu comme après un match de foot ou un truc comme ça, de dire je suis un petit peu professionnel, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y en a une qui sait le faire et que j'adore aussi, c'est Sika. qui est une chanteuse, c'est un duo, trio, qui a du color des fois, sur Orléans, je sais pas si tu connais, si tu as déjà écouté. Non, non, je connais. Je la ferai découvrir. D'ailleurs, elle est dans la deuxième partie de mon programme, notamment avec Alex Le Bail, et avec Alex Le Play, qui est une auto que tu as rencontré d'ailleurs, qui était à la fameuse première soirée. Oui, oui. Voilà, qui est aussi autrice, compositrice, et que je recevrai d'ailleurs prochainement au mois de mai, qui sera la deuxième à passer dans cette émission. Voilà quoi, c'est le fait de la scène ouverte. Il en faut. Alors il y a scène ouverte et scène ouverte. Il y a différents degrés de scène ouverte. Il y a la jam session. Il y a la scène ouverte. Il y a le micro ouvert. Moi j'aime pas trop toujours faire comme les autres. J'aime bien un petit peu me démarquer à plein de niveaux. C'est pour ça que des fois je plais, des fois je paie pas. Ben, ceux qui m'aiment me suivent, les autres, ben, ils prennent leur chemin, puis ils prennent leur chemin. Mais c'est exactement ça. Et voilà, c'est l'instant. tu es venu, Chris, avec ta compagne, qui est également ta community manager. Tout à fait, oui. Et je trouve qu'il est intéressant de comprendre comment madame passe de la casquette de compagne à celle de manager. Alors, vous pouvez répondre tous les deux, mais comment définiriez-vous la frontière entre la vie privée de l'artiste et ce qui est partageable en famille ? Alors, je vais répondre... Attends, voilà, non, madame d'abord. Non, non, okay. Je vais répondre très simplement, c'est la seule qui me connaît par cœur. Voilà, ça se résume à ça. Ça fait longtemps qu'on est ensemble et donc... Et elle te le dit ça, je te connais par cœur ? Tu sais, je vais te dire une chose, c'est qu'on n'a même pas on a même plus besoin de se parler. Tellement qu'on se regarde et on sait ce que l'un et l'autre pensent déjà. Donc, des fois, rien que le regard d'une femme, hein, on comprend tout. Hein. Elle va me dire, ne joue pas là. Elle va me dire, n'accompagne pas cette personne. Elle va me dire... C'est vraiment c'est une béquille, en fait. C'est mon pilier. C'est mon pilier, ouais, je dis toujours, parce que... C'est un pilier. C'est tu sais, pilier. J'ai rencontré des gens qui se prétendent vedettes, ou enfin bref, on va pas faire le monde. C'est bien pour eux, tant mieux. Je suis content, ils font des choses, etc. Mais, enfin... Elle voit très clair dans les personnes. Et du coup... Moi, je précise, elle n'a pas de lunettes. Hein. Non, mais je veux dire, son regard en dit long. Tu sais, il n'y a même pas besoin qu'on parle, en fait. Et encore une fois, il y a des fois, on ne dit pas tout ce qu'on pense, parce que tu sais très bien comment ça peut se passer dans ces cas-là. Mais en tout cas, son regard suffit amplement à me faire comprendre les choses. Ouais. Voilà. À toi. Ouais, c'est plus du ressenti, en fait. C'est l'intuition féminine ? Ouais, ça joue aussi, ça joue aussi. Mais c'est vrai que on se connaît tellement que je sais ce qui va lui plaire, ce qui va pas lui plaire, là où il va se sentir le plus à l'aise, même s'il se sent à l'aise partout, hein, ça là-dessus. Mais ouais, j'ai déjà ce regard que les autres n'ont pas. D'accord. Ce regard, alors c'est pas un regard visionnel, c'est un regard artistique, c'est un regard communicatif. Ouais. Quand on dit on a le regard sur telle personne, c'est le regard visuel, mais aussi le regard, le recul et la connaissance, savoir s'il y a le côté mon regard, il se regarde différemment, il s'écoute différemment. Voilà, donc c'est partageable, il y a un sens de partage dans la famille et... On vit musique. Ouais, mangez musique, vous levez musique, vous couchez musique, dormez musique. La musique prend une grande partie. On va dire que oui, ça prend une grande partie. Puis encore une fois, je remercie les gens qui me suivent. Et encore une fois, je dis sincèrement, je cherche pas pour être, je fais pas ça pour être connu. Ça, c'est quelque chose que ça me passe. Tu passes à Radio Arc-en-Ciel. Qui ne passe pas à Radio Arc-en-Ciel, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais tu vois, surtout dans la Didier & Co ou Mavrika. Je fais un petit clin d'œil à Albino s'il est derrière. Voilà, on prend quand même que les meilleurs de la région. Non. Mais encore une fois, tu vois, on parlait de scène ouverte et encore une fois, je trouve que c'est essentiel pour. Quel qu'artiste qu'il soit. Mm-hmm. Et je trouve aussi que les radios, les web radios, c'est également aussi radio, important. Nous, on n'est pas web radio. Hein. Alors, on est sur le web par le but du streaming, mais on est une radio associative locale. D'accord. Mais on est d'abord diffusé sur 96.2, je le répète, la fréquence, 96.2 FM. Donc, ça arrose un petit peu près autour de 60 km d'Orléans. Communauté principalement portugaise, mais aussi française, francophone, anglaise et autres. Et après, on a notre site internet qui nous permet de... au début, je me suis fait taper sur les doigts parce que je disais, on est une web radio. Non, Didier, on n'est pas une web radio. D'accord. On est une radio locale, associative, je précise, donc à caractère non commercial, Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à la pub, CSA et ce qui s'ensuit. Et voilà, donc ça, je tiens à leur souligner, et je tiens à souligner aussi à Radio Arc-en-Ciel, pas parce que je suis chez eux actuellement dans leur studio, mais de les remercier qu'il y a encore des radios comme ça, et de le faire, et de la manière que c'est fait, exactement, et de l'accueil que l'on a. Moi, j'ai travaillé la première fois vraiment avec eux lors du, comment on appelle ça, de la Foire Expo. Voilà, c'était préparé comme ils pouvaient, avec les moyens du bord. Et on avait vraiment passé une dizaine de jours ensemble, avec quelques petits fracas, quelques petits problèmes de micro. Mais ça, c'est l'apprentissage de la vie et de ce milieu-là. Mais non, vraiment, c'est sympa d'avoir encore des radios comme ça qui sont pas stéréotypées, qui sont pas stérilisées. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est exactement ça. C'est, voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est important d'avoir des radios comme la vôtre. Et puis, mais il y en a bien d'autres aussi. Hein. Pourquoi? Parce que je trouve que les talents qui sont émergents. Après, on peut faire un long débat là-dessus, mais c'est pas le moment. Mais en tout cas, je veux dire qu'il y a pas mal de radios qui refusent justement des choses comme ça. Je trouve ça dommageable, quoi. Je trouve ça un peu, voilà. Pour les artistes, c'est pas très très évident, voilà. Ouais, non, mais bien sûr, c'est tout à fait le fait. Mais là, je vais orienter plus mon regard et ma parole vers Émilie. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que le fait de partager son quotidien facilite la création du contenu, ou est-ce que ça la rend plus détachement artistique, plus difficile? Non, je dirais que c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que le fait de le connaître, en fait, c'est plus facile de trouver des textes, même juste en communication. Hein, c'est, je vais pas dire le vendre parce que c'est pas bien de dire ça, mais ouais, c'est vraiment beaucoup plus simple, je trouve. C'est pas, j'ai pas besoin de chercher les mots, en fait. D'accord. Des fois, il faut chercher les mots, puis des fois, il faut aussi les lire. Les mots, il faut savoir les lire. Arrives-tu à garder une objectivité critique sur son travail artistique quand tu dois en faire la promotion? C'est juste le style de ma question. Oui. Le sens. Oui, oui. Je suis assez critique avec lui. Que soit en positif ou en négatif, et dans ma promotion, je sais trouver les mots les plus simples parce que je le connais par cœur. Je vais pas dire alors oui, c'est un guitariste. Non, voilà, je sais le vendre, quoi. D'accord. Je sais de quoi il est capable. Tu vends un produit, tu vends pas une personne, là, tu vends un produit. Entre guillemets, oui. Oui, voilà, quand on dit le vendre, oui, c'est des termes qu'on utilise dans l'usuel, mais le côté vendre, c'est vendre un produit, vendre une prestation. Mmh. Tu vends une prestation. Tout à fait. Tu vends pas ton homme. C'est interdit. Voilà, je vends attention, c'est interdit. Hein. C'est interdit musicien, de vendre de l'humain. Hein. Mais trafic d'hommes, t'en rends compte, t'es esclave. Non, non, non. Voilà. Alors, il y a les questions, ça va sur les deux personnes en même temps. Mais d'abord, pour Émilie, comment protèges-tu ta propre image dans le public tout en étant le pilier de la sienne? Parce qu'il a bien dit le pilier. Oui. Je suis souvent dans l'ombre. J'aime pas me mettre en avant. Ah, tu crains le soleil. Encore moins derrière un micro. Oui, mais ça arrive. Mais oui, j'aime pas le soleil non plus. Donc. Mais je reste souvent sur les côtés, à l'arrière. Après, je fais beaucoup de vidéos aussi. Donc, ça occupe pas mal. J'ai vu tout à l'heure, tu avais. Mais j'aime pas m'exposer, en fait. C'est pas trop ton rôle, c'est pas ton. Déjà, c'est pas mon rôle. C'est lui qu'on met en avant, c'est pas moi. C'est aussi mon rôle, moi, de community manager, d'être là quand j'ai besoin. Mais avant tout, c'est lui, c'est pas moi. J'aime bien le terme community manager parce que ça enlève le côté pédant de manager. Je suis le booker, je suis le tourneur, c'est je ça. Suis le manager. Je suis en même temps le chanteur. Donc, tu es le côté community, ça prend tout son sens dans le côté communication. C'est ça. Communicare, le terme communicare, oui. La communication, c'est primordial dans le milieu art partout, mais dans le milieu artistique encore plus. Et toi, Chris, comment protèges-tu ta propre image publique tout en étant le soleil de ton pilier? Écoute, c'est pour moi, c'est assez simple. Comme je te dis, je reste toujours le même, quelles que soient les circonstances. Et c'est surtout, par contre, je sais faire la part des choses. Je mélange pas vie professionnelle et vie privée, jamais. Donc, quand je sors de scène ou autre, Après, c'est évident que tu sais, t'as toute l'euphorie qui retombe, etc. Donc, ça met quelques heures à redescendre, mais c'est normal. Ça, bah, c'est bien sûr, mais ça, c'est la descente d'adrénaline. C'est que les gens, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, les gens qui ne sont pas sur scène, même des gens qui organisent, hein, ils sont dans leur monde à eux d'organisateurs. Ils sont pas dans le milieu scénique, dans le milieu de la scène, des artistes. Artistes sans prétention, mais simplement artistes. Exactement. Le fait de se donner, de se concentrer sur le chant, sur l'instrument que l'on fait, sur la scène, ça prend énormément d'énergie. Ça pompe énormément. Et le public nous pompe cette énergie. Nous, on pompe aussi leur énergie à travers leur applaudissements, par rapport à leurs cris, leurs sifflets, les pots de banane que des fois on peut nous envoyer. Non, tu n'as jamais pris des pots de banane. Pas pour l'instant, ça pourrait arriver. Mais je veux dire, les pots de banane, c'est un sens visuel aussi. le fait, parce que tout le monde à ce moment-là est community manager, tout le monde est booker, tout le monde est sonorisateur, ingénieur du son, même ceux qui ne le sont pas. Mais ce que je voulais simplement passer en message, s'il y a des organisateurs qui nous écoute, et je souhaite qu'on y ait. De toute façon, vous pourrez écouter le podcast après, hein, grâce à d'ailleurs Florent Amigo, qui est une personne d'Arc-en-Ciel, qui est une personne handicapée, que je salue. Salut à toi, l'artiste, parce que c'est un artiste. Et il nous fait tous les jours les podcasts de nos émissions, et il nous permet de nous réécouter, et après de reproduire ce qu'on a fait, de pouvoir vous permettre de réécouter. Donc merci à toi, Florent. Obrigado. Tu vois, je parle portugais un petit peu maintenant. Le fait de la protection est une chose. Alors, il y a la protection par rapport à la scène, par rapport à, et puis aussi la protection après. C'est, là, j'aimerais qu'on phrase un petit peu plus, mais des deux côtés, mais surtout du côté de la personne qui a le téléphone et qui gère le PC et les rendez-vous. Comment gères-tu tout ce qui est pression, le côté violent, les trolls, parce qu'il y en a des trolls critiques, hein. Mm-hmm. On en connaît, enfin, on les connaît, ce sont des trolls, oui. On les connaît pas, mais on sait les repérer. Quand cela te touche à toi ou un proche, parce que ça peut toucher aussi la famille à côté, hein, l'impact démultiplié, comment réagis-tu? Alors toi d'abord, Émilie, et après toi, Chris. Alors comment je réagis, je reste calme. J'essaie, on va dire. Ça nous est arrivé, hein, une fois, qu'il a fallu que je me fâche un peu. Mais vraiment que j'y mette les choses au clair avec la personne, et tout en dans le respect. Il y a pas, voilà, elle a très bien compris en quelques phrases que elle avait été trop loin, et je l'ai, voilà, c'est comme ça. Tu l'as remis en place, tu l'as recadré. Tout à fait. Ouais. Non, faut essayer de garder son calme au maximum, parce que si on commence à s'énerver pour la moindre chose, ça part vite dans les délires. Oui, ça part vite en sucette. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'organisation. Quand on descend, parce que Avant de monter sur scène, on a une montée d'adrénaline, qu'on le veuille ou qu'on veuille pas, c'est le stress et tout ça. Et quand on est sur scène, après, on fait focus sur ce qu'on a à faire. C'est pas effacer. Toi, tu joues tout seul avec ta guitare. Quand on joue avec un groupe et tout ça, on a aussi à gérer le petit stress des copains et des copines et tout ce qui s'ensuit. Et après, quand on redescend sur terre, on va dire, on peut avoir une demi-heure, trois quarts d'heure, suivant comment ça s'est passé, suivant le lieu, il faut qu'on redescende. C'est ça. Et des fois, on peut avoir des discussions juste après, où ça peut aller loin, et des fois, on a tout de suite le public, alors on sait que tout de suite après, on va avoir le public qui va venir sur nous, soit « ouais, c'était super bien », « ouais, c'était super mal », enfin, ils ne le diront jamais, même s'ils le pensent. Bien mais sûr. C'était super bien, j'ai aimé, j'ai apprécié, et là, on est toujours dans la dynamique, mais redescendre après, revenir, qu'on est vraiment, parce qu'on a une carapace quand on est sur scène, hein, faut pas l'oublier, enfin, pour beaucoup de nous, et c'est vrai que c'est pas évident. Et est-ce que toi, tu le ressens aussi, ça, quand tu es... est-ce que tu as ce moment de stress avant que ça commence? Et toujours. Avec ses yeux plissés, me fait-elle? Oui. Oui. Énormément. Oui, je suis stressée, pour moi et même pour lui. Toujours me dire, est-ce que ça va bien se passer, niveau son, niveau public aussi, parce que des fois, il est très réceptif, comme des fois, beaucoup moins. Ah, le public, ouais. Et ça y fait beaucoup, ça y fait énormément. Ah, énormément. Et puis quand tu joues devant un public nombreux, t'es euphorique. Quand tu joues, que t'as préparé toute une playlist, pas une playlist, une médiatisation de ton, de, de ce que tu veux faire, que tu promets des... C'est pas parce qu'on a 15 000 followers qu'on va avoir 15 000 personnes dans la salle, n'est-ce pas? Non. Et followers, c'est du virtuel. Ouais, tout à fait. Et puis, le problème, c'est que les patrons, les organisateurs, ou les patrons, ils attendent beaucoup qu'on emmène, nous, les artistes. Mais c'est aux deux camps à, aux deux camps à faire maintenant. C'est ça, il faut le comprendre. Un festival, c'est pas pareil. C'est différent. Mais quand on va dans un lieu, un bar, un établissement, pour telle et telle festivité, il faut pas qu'ils attendent qu'à travers nous, il faut qu'ils attendent aussi à travers eux. Et nous, on attend aussi beaucoup d'eux. Ne serait-ce que le côté, alors ça c'est un petit clin d'œil que je fais, mais ceux qui écoutent comprendront pourquoi. Le côté attention. Est-ce que tu es attentive à comment est reçu ton artiste par les organisateurs, par l'entourage de l'organisation? Est-ce que tu es attentive à ça? Je dis pas qu'il est un bol de comment dirais-je de pas de légumes, de salade de fruits avant et tout ça pour être chargé. Non. Mais le côté simple, un bon accueil et tout ce qui va avec, c'est-à-dire boisson, un petit endroit pour pouvoir se changer s'il souhaite se changer, pour se concentrer. Tu fais attention à ça beaucoup? On essaye. On apprend surtout. On apprend de... Voilà. Moi, je te reprends sur le terme essayer. Je le redis souvent. Essayer, c'est se donner la possibilité de ne pas réussir. D'accord. C'est pour ça que je dis on apprend. Ouais, on apprend. On apprend. Et après, c'est le côté contractuel aussi. C'est le côté... c'est écrit, c'est vu comme ça. Et on ne déroge pas à ce qui est écrit. Enfin, normalement. Normalement. Mais ça, tu fais très attention à toi. Donc, à toi et à Chris en même temps pour ça. Ok, eh ben, il est 15h35, le temps passe vite quand même. Hein. Oui. On est toujours sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Chris Milan, chanteur, auteur et interprète avec Madame Émilie, son épouse, qui est son community manager, à qui je n'ai pas fini de poser les questions, mais t'inquiète pas, ça va se passer, ça va bien se passer. Donc tu m'as dit que face aux critiques négatives, envers l'art de Chris, tu t'arrivais à moduler tout ça et t'arrivais à faire la part des choses. Oui, après toute critique est bonne à prendre, hein, mais ça dépend le level de la critique et comment c'est dit aussi. Parce qu'il y a des critiques qui sont constructives, enfin toute critique entre guillemets est constructive, mais il y a la façon de le dire aussi. D'accord. Ok, non mais je t'écoute, hein. Je suis tout oui. Ouais, il y a la façon de faire les choses. Oui. Après. On peut... Et puis, qui le dit aussi? Parce que si c'est un musicien, enfin une personne qui est dans le monde de la musique, qui fait une critique constructive ou pas, ou qui l'aime pas, ou l'aime ou pas. D'ailleurs, ça, tout est bon à prendre. Mais au moins s'il a un œil déjà. Tout n'est pas bon à dire sur le moment. Oui. Après, on peut se laisser aussi emporter par le côté, d'adrénaline, hein, le côté, des fois, on est un petit peu, d'autant plus quand c'est des proches, des gens qu'on estime beaucoup et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que le fait de ça, tu sais le protéger. Alors, tu vas te mettre devant, tu vas faire barrière. C'est là où est mon rôle aussi de community manager, c'est de protéger. Ouais. Donc, tu vas faire un petit peu comme un boxeur qui va rentrer sur le ring. Tu vas être devant dans l'éclairage. Lui, il va être avec la casquette baissée. Là, il va rentrer sur le ring. Et avant d'enlever son peignoir, comme tu disais que t'étais nu sur scène, j'imagine que t'arrives avec un peignoir. Non, c'est une métaphore. Je rassure tout le monde. Voilà, mais moi aussi, je fais un petit peu de métaphore. Eh bien, on va passer sur des rêves d'extraordinaire. Alors, je sais que ce morceau-là, tu n'es pas le seul à l'avoir composé. Non. Malheureusement, je suis pas là pour plomber l'ambiance, mais c'est une autrice qui m'a fait confiance sur beaucoup, beaucoup de choses. Malheureusement, elle nous a quittés. Donc, il y a de ça, je crois, de mémoire, 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai changé énormément avec cette personne-là. Et justement, tu parles du virtuel, je t'entendais tout à l'heure, et là, on s'est jamais vu physiquement, j'entends par là qu'on s'est vu par le biais de visio, tu sais. Et on a échangé, je sais pas ce qui s'est passé, de toute façon ça s'invente pas, il y a des choses comme ça qui arrivent, tu sais pas pourquoi, il y a une chimie qui se crée en fait. Bien sûr. Et elle était de Picardie. C'est les atomes crochus. Voilà, exactement, elle était de Picardie, et donc du coup on a échangé, et à un moment donné elle me dit, j'adore ta voix, j'adore ce que tu fais, écoute, j'aimerais beaucoup que tu me composes une musique sur les paroles que je vais t'envoyer. Donc je précise que c'est son texte. Et elle m'a fait le plus beau des cadeaux, c'est parce que j'ai travaillé pendant 2 mois là-dessus. Et puis, et du coup, pour la finalité de la chose, c'est que je lui envoie, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise vraiment à pleurer. Elle avait une troupe de d'auteurs, compositeurs et compositrices que je ne connais pas. Je les ai vus que sur papier. Qui a base de 6-7 déjà, ce qui est déjà pas mal pour une seule personne. Et donc, elle m'a dit, écoute, j'ai tellement adoré que je veux que tu intègres mon équipe. Et ça, c'était au mois de janvier, il y a 3 ans, début janvier. Je veux que tu intègres mon équipe en tant que auteur-compositeur. Est-ce que je peux t'intégrer dans l'équipe? Je lui ai dit oui, avec grand plaisir. Et le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, elle m'a dit, je t'offre tous les droits de la chanson. Mmh. Moi, je lui ai dit non. Elle m'a dit si. Elle m'a dit, ça m'a touché. Eh ben, c'est un rêve. Extraordinaire. Ça nous emmène vers une fin d'émission, parce que c'est vrai que le temps passe vite et Chris vient me confier qu'ils ont un rendez-vous un petit peu important en fin de soirée, qu'il faut qu'ils prennent la route dès qu'ils... Voilà, donc on va peut-être écourter un petit peu cette interview de quelques instants avec l'accord de la community manager. Moi, je m'étais engagé sur 2 heures, mais bon, s'il faut faire 1h59, on fera 1h59. Dit-il avec le sourire. Voilà, donc juste une ou deux petites questions quand même avant de partir. As-tu mis en place des filtres, des règles spécifiques pour protéger, avez-vous mis plutôt pour protéger votre couple des réseaux sociaux? Alors oui, comme j'ai dit, on mélange pas les deux. C'est quelque chose de fondamental chez nous. Après, on débriefe tous les deux, on parle de plein de choses, pas que forcément musique d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je dirais que... Heureusement, voilà, mais on sait que... Exactement, mais on sait faire la part des choses. Encore une fois, on ne mélange pas les deux. Voilà. D'accord. Non, tout à fait. Et avant que je te lance le micro pour, voilà, pour te faire rire un petit peu, puis pour nos auditeurs, auditrices, voilà, enfin bref, on va pas lâcher ça tout de suite. Est-ce que tu as des projets, est-ce que tu as des choses à nous dire, un scoop, est-ce que tu as un scoop pour Radio Arc-en-Ciel 96.2, Didier & Co? Ben un scoop, oui, comme je t'ai dit, je sais pas si c'est un scoop, parce que scoop, ça paraît un peu prétentieux, on va dire ça comme ça, mais j'ai mon album de 10 titres qui sort fin d'année. Tous les mois, je suis en studio, justement, Lunar Records, comme j'ai dit, à Bourges, avec chez mon Luigi. Ami Luigi, exactement. D'accord. Et puis, donc je suis vraiment focalisé sur ça et je déroge pas à la règle. Après, effectivement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez exactement les endroits où je joue, les dates, l'heure, etc. Donc voilà, un scoop, oui, je vais t'en donner un si tu veux, c'est que... Enfin, non, tu ne le donnes pas à moi, tu le donnes à mes auditeurs. Alors, aux auditeurs, auditrices, bien sûr, mais nous écoutent, les auditeurs, auditrices. Et du coup, je suis parrain de 3 associations, dont une le 13 juin, qui se déroulera à Vierzon. Donc ça, c'est le 13 juin à partir de 17h30. Quelle est cette association? C'est l'association Handicap. Handicap, tout simplement. C'est la nuit du handicap. C'est la nuit du handicap, exactement. D'accord. La deuxième association, c'est Nos Combats, Nos Héros. D'accord. Donc ça, c'est très très important aussi parce que c'est une association qui aide les enfants en fin de vie. Donc c'est vraiment fondamental de soutenir cette association présidée par Monsieur Bruno Bézard et puis Frédéric. Donc je les embrasse bien fort aussi pour ça, pour ce qu'ils font, pour tout le travail accompli derrière. Et la dernière en date, là, il y a pas si longtemps, là, c'est tout récent, c'est une association qui s'appelle Ubaka. Alors, vas-y, explique tout, là. Ubaka, j'ai pas tout compris. Et Ubaka, l'association, c'est pour les enfants maltraités. Voilà. Donc, je vous invite à aller rejoindre un petit peu tout ça et puis vous renseigner dessus et surtout les soutenir. D'accord. Donc, on peut retrouver tout ça sur les réseaux, sur ta page. Tu as une page Facebook? Sur ma page. Peut-être, un YouTube, tu as un quoi as aussi, alors on va éviter les grandes boulangeries, mais tu es aussi écoutable sur les plateformes. Exactement, et bien justement à ce propos-là, comme j'expliquais tout à l'heure au tout début, mes titres sont revisités, alors ils sont pas trop changés, ils sont juste revisités pour la simple et bonne raison que j'évoquais, c'est par rapport que maintenant je suis en studio. Donc du coup, il y a mon premier titre que vous avez écouté tout à l'heure, qui s'appelle « Ils étaient en hommage aux victimes de Crans-Montana », qui est sorti sur toutes les plateformes le 28 février. Il y a le deuxième titre aussi que je n'ai pas joué là, mais on l'a écouté tout à l'heure, c'est en hommage à Grégory Lemarchal. Ouais, que tu as remasterisé. Exactement, qui s'appelle Accord perdu, qui est sorti le 3 avril, également sur toutes les plateformes. Et le troisième titre, Les gens dans la rue, remasterisé toujours, qui sort le 23 avril, aussi également sur toutes les plateformes. Et j'en profite aussi pour vous dire que n'hésitez pas à aller regarder aussi sur ma page, parce que les clips ont été réalisés par Mimi Craven. Voilà, je vous remercie beaucoup. Mimi Craven, c'est Coucou Mimi. C'est bien sûr l'association de... Enfin, c'est association ou société, je sais pas. Société. Société, oui. D'accord, entreprise. Prod. Semi-prod, relationnel. Comment tu... Ouais, événementiel. Événementiel. Ouais, on dit ça comme d'accord. Ça. Je rappelle donc que vous pouvez retrouver son univers de Chris Milan sur ses réseaux, donc bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Radio Arc-en-Ciel de Didier & Co 96.2 le jeudi après-midi. Juste un petit message comme ça, je vais faire ma pub aussi pour mes futurs invités. Hein. J'aurai pour invité la semaine prochaine, alors on va changer du tout au tout, hein, ce sera le jeudi 23, avec une personne qui s'appelle Cassandra, qui viendra nous parler de l'autisme. Voilà. Vaste programme. Et puis le 30 avril, j'aurai par téléphone Sylvie Verchère qui viendra aborder, enfin qui discutera. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la vieille Europe, nos ancêtres avant les Gaulois, et elle viendra nous parler des Yamnaya. Vous connaissez pas? Eh bien, le 30, je vous donne rendez-vous avec Sylvie Verchère. On parlera des Yamnaya juste avant de l'autisme. Et puis j'ai quelques rendez-vous sympathiques à venir, mais je vous donnerai le programme. Oui, Chris, tu me... Oui, oui, j'ai quelque chose d'important à dire parce que vas-y, ça me revient aussi, c'est très très important. Le 2 mai, il y a un concert caritatif à Diou avec de nombreux parrains artistes. J'ai la chance de pouvoir participer aussi à à cette scène, cette scène caritative. Oui, le 2 mai, oui. C'était un truc où tu peux le publier, ça s'appelle Info Concert RCVL, qui est un portail qui regroupe toutes les informations. Je sais exactement. Et tu organises aussi de temps en temps des concerts, entre autres, il y a Sortir Orléans, enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, mais Info Concert, c'est plus musical et ça représente tout ce qui est musique. Donc, n'hésite pas à venir publier, Et il y aura également Alex aussi, qui sera aussi de la partie. Et Alex Lebaille. Alex Lebaille, bien sûr. Oui, ça sera où? Alors, c'est à Diou. À Diou? À Diou. Dans le 03. Ah voilà. Oui, c'est pas tout à fait à côté. C'est pas à côté. D'accord. Donc, c'est à partir de 20h30 et ouverture des portes 19h45. Ok. Alors, tu sais que moi, j'aime bien les surprises. D'accord. Ouais. Avant de nous quitter, mon petit doigt m'a dit que tu avais un petit mimétisme vocal. Serais-tu d'accord pour le plaisir de nos oreilles? Allez, on va essayer. Allez, on dit rien. Je vais simplement enlever le micro à Émilie, voilà, pour les retours. Et puis, je vais te mettre la guitare. Tu peux commencer tes accords. Et puis, voilà, fais pas trop tourner les accords, sinon tout le monde va reconnaître. Voilà. Et puis, ben, à toi, Chris, pour ce final. Tu me dis que tu m'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort. En secret, un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu, la lumière, ce n'est pas infini de ne croire qu'en lui que l'espoir. Au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Voilà, c'était donc Chris à Milan, un petit hommage au taulier, bien sûr, vous l'avez reconnu, Johnny Hallyday. C'est vrai que de temps en temps, quand on écoute, il a un petit peu quelques mimétismes. Bah, s'il écoutait les portes du pénitencier pendant que sa maman faisait le ménage, ça a dû lui donner quelques... Ouais, j'écoutais beaucoup Elvis Presley aussi, ouais. tous ces gens-là qui étaient pour moi incroyables. Ouais, moi, pas vraiment. Et pas vraiment. Si, bien sûr. Voilà, ben en tous les cas, Chris, je te remercie d'être venu en premier, d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci à toi. Tu vois, Émilie, ça te laisse pas de mauvais souvenirs. Le micro, il t'a pas mordu, ça s'est bien passé. Hein. Voilà, il est 15h52, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, c'est Didier & Co. Je salue tous nos auditrices et nos auditeurs sur la région et ailleurs. Et je vais passer directement dans ma deuxième phase, qui est une phase musicale avec un petit peu tous nos amis artistes. Enfin, tous, non, parce que je peux pas tous les mettre en 50 minutes, en une heure. Mais voilà, il y a une bonne partie qui va quand même passer et je vous laisse partir en voyage. On n'a pas mis de décollage aujourd'hui, c'était un petit peu différent, mais je vous laisse en escale musicale avec les meilleurs, ceux qui passent bien sûr sur Radio Arc-en-Ciel. Didier Anco, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Stéphanie d'Orléans, j'écoute Didier Anco sur 96.2 Orléans à Arc-en-Ciel.

Et le rock'n'roll sera avec vous. Ben voilà une chose qui réveille à 16h15, Radio Arc-en-Ciel 96.2, c'est toujours Didier & Co, c'est la partie pochette surprise, et là on vient d'écouter un groupe que vous pourrez retrouver le 28 novembre, Maverick Alive, 16 ou 17, je sais plus, je crois que c'est 17, voilà, sur la chapelle Saint-Mémin, et il y aura aussi un groupe que je connais un petit peu aussi, qui s'appelle Blue Revenge, qui seront là, donc à la prochaine, au prochain rendez-vous Maverick Alive, on vous en dira plus dans les temps à venir, bien évidemment. Donc Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, c'est Didier & Co, et on en parlait avec mon invité qui vient de nous quitter, qui vient de quitter les studios d'Arc-en-Ciel, qui va prendre la route. On parlait d'Alex Lebaille, et ben je vais vous laisser écouter donc un petit morceau, le manège, Alex Lebaille. Sur ce trottoir, l'amour a fait le reste. Il n'était pas trop tard. Tout se manège sur ce cheval. Je me sens Eh bien voilà, c'était donc Alex Le Bail, Le Manège. Et attention, avant de traverser, regardez toujours bien à droite et bien à gauche, parce qu'un Alex peut en cacher une autre. C'est maintenant Alex Le Play qui sera invité dans les studios d'Arc-en-Ciel très prochainement. Alex Le Play, c'est à toi. Écoutez un petit Hardaway. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Yeah. Somewhere else.

Ça réveille, hein? N'est-ce pas qu'on a des talents sur la région centre avec la Strider?

Nothing. Elles étaient six, elles ne sont plus que quatre. Mais le charme est toujours là. Et le rock'n'roll n'est pas bien loin. The Brunette. C'est sympa aussi à écouter et surtout à aller encourager sur scène The Brunette quatre sympathiques girls qui vont vous faire danser le rock et rock and roll. Comment dire, il me reste encore quelques minutes à animer cette émission sur 96.2 Radio Arc-en-Ciel, Didier & Co. Et j'avais un petit message à faire passer. Je rappelle tout simplement que j'ai eu pour invité dans mon premier live Chris Milan, à qui je souhaite tout à fait bonne route. Je lui ai dit déjà, merci d'avoir répondu présent à cette invitation et d'avoir pu venir avec Émilie, sa community manager et épouse, venir nous parler un petit peu de son côté intimité artiste et comment il travaille un petit peu dans l'ombre. Et j'en profite pour rappeler que en fait, vous pourrez retrouver son univers sur sa page Chris Milan. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Radio Arc-en-Ciel. J'aurai pour invité la semaine prochaine, le jeudi 23, ça sera Cassandra qui viendra nous parler d'autisme. Et oui, on va changer carrément de répertoire. On va parler un petit peu de cette problématique, cette maladie de l'autisme. Et le 30 avril, j'aurai plutôt par téléphone Sylvie Verchère, qui n'est autre que ma frangine, qui viendra, avec laquelle nous aborderons la vieille Europe et nos ancêtres, les Yamnaya. Ah ouais, avant les Gaulois, il y avait les Yamnaya. Voilà, pour la suite de ce terminal, il nous reste encore 4 minutes. Je vais vous passer un petit morceau de... j'ai choisi de vous mettre The Wild, qui était venu avec Marc Albert, qui était venu il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ici, dans les mêmes studios, dans une autre émission qui s'appelle Mavrika, que tous les bons artistes de la région centre connaissent. Albino, petit clin d'œil. Albert, c'est à toi, Marc Albert and the Wild. Voilà, il est l'heure de nous quitter, 16h59, et nous sommes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Je vais laisser la place à Chantal dans une heure, qui viendra vous faire groover du côté des tropiques. Et pour terminer, nous allons donc passer avec un groupe que j'aime aussi bien particulièrement. Sûrement, il y a plein de bons groupes, mais là, ça va. On va se terminer ça avec un petit Twister cover. Yeah. Allez, bye bye, 17h, on va bientôt passer avec RDP. Je vous laisse avec Puster Cover. Sobre uma deliberação da Conferência de Líderes. O líder parlamentar do PSD discorda da interpretação. E embora o grupo parlamentar do PSD reitere que tem uma visão sobre aquilo que a lei diz muito cristalina e muito clara, que abona a favor da decisão do Chega de indicar para o Conselho de Opinião da RTP deputados na Assembleia da República e com isso nada viola os estatutos de deputados, também não parece que esta seja uma questão magna para ficar decidida agora. PSD e Chega acabam por aceitar o adiamento porque a votação já está a decorrer sem a urna relativa ao Conselho de Opinião da RTP. Mas André Ventura deixou o sublinhado. Se o Presidente tomou essa decisão, e não sabemos se tomou, mas confiando que tomou essa decisão, tomou mal porque só este plenário a podia ter tomado, até porque a Conferência